Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! C'est ça, tabarnak! Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse semaine de jeu qui vient de passer. Et là, on est là au rendez-vous ce mercredi soir à Lévis pour vous parler jeu, comme à notre habitude. Mon nom est moi, Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là et je suis accompagné ce soir de plein de gens, en fait de deux personnes, bien évidemment. Monsieur Andrew Castegan à la console. Salut, Andrew. Bonjour, monsieur Michaud. Ça va bien? Ça va très bien, l'estomac plein. Oui, ben on est allé manger au Barbacoa en face du traversier à Lévis. Un petit rafraîchissement de ma main droite. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ah, ben oui, on a de la bière, mesdames et messieurs. Parce que normalement, là, la semaine passée, c'était la chronique bière avec M. Éric Lajeunesse. Et là, Éric, il m'a texté tantôt. Il dit « Ah, j'aurais des trucs à te donner, nanana, nanana. » J'ai dit « Veux-tu rester à l'émission? » Et devinez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Oui! » Salut Éric, comment ça va? Salut, ça va? Ça va très bien. Puis là, évidemment, vu qu'Éric est là, on est passé au dépanneur tout près sur la rue Wolfe à Lévis. Leur dire salut. Et là, aussi, Mike, en plus... Du Lodon. Ben avoue, oui. Avoue ton secret. Ben oui, j'avoue mon secret, mesdames et messieurs. Depuis qu'on est en collaboration avec le dépanneur tout près, je chantais leur louange, mais j'avais pas eu la chance de m'y rendre. Et maintenant, j'y suis allé. Tu te fies à nos paroles. Ben oui, mais là, je peux vous confirmer ça de vive voix. Là, c'est vraiment une place à découvrir à Lévis si vous y êtes jamais allé. Il y a plein de jujubes. Ben oui, on en parle tout le temps du comptoir de jujubes. Ben là, je vous le confirme aussi. Il y a tout ce qu'il faut pour les amateurs de bonbons et de bières. Donc là, présentement, on déguste quelques bières aussi. En même temps, pendant l'émission, moi, malheureusement, je suis pas tombé sur quelque chose de super bon. En tout cas, on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Nous aurons le discours nuancé de Éric. Ouais, non, c'est ça. Mais avant tout, mesdames et messieurs, nous avons des collaborateurs qui seront là aujourd'hui à l'émission. Nous allons entendre M. Diego Lamana, notre spécialiste qui fait sa chronique académique qui va nous parler d'une maison d'édition qui s'appelle Pix and Love, une maison d'édition francophone, en fait basée en France, qui édite des œuvres portant sur le monde vidéoludique. Vous allez voir, ça donne envie d'aller acheter tout plein de livres. C'est vraiment des trucs vraiment très intéressants. Écoutez bien Diego tantôt après la première pause musicale. Et aussi, on va parler en fin d'émission avec Louis-Étienne Desgagnés, notre expert, un de nos experts en fait en jeu de plateau. Il va venir nous parler d'un jeu qu'on aime bien, Mopi Andrew, le jeu King of Tokyo avec ses expansions. On va vous parler de ça un peu plus tard dans l'émission. Mais avant tout, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet. Et hey, d'ailleurs, parlant d'un site internet, salutations à toute la gang de CJMD, entre autres M. Castegan ici présent qui a travaillé sur le site. J'ai pas fait tant que ça, là. Mais t'as travaillé dessus quand même. Un peu. À Joey Morneau, entre autres, et Emmanuel, qui ont travaillé fort avec la gang aussi, avec Alexandre Cyr, des deux snooze. Et d'agence Newcom. Ouais, c'est ça. En fait, dont fait partie Alexandre, qui ont travaillé sur la nouvelle image de la station, le nouveau site internet et tout. C'est sorti aujourd'hui. Donc, ben félicitations à toute la gang. Un beau visuel, vraiment un beau visuel. Bien content d'avoir vu ça aujourd'hui. Et évidemment, vous pourrez vous rendre sur le nouveau site internet. On va vous mettre ça sur la page Facebook de l'émission pendant la première pause musicale. Donc, félicitations à tout le monde et longue vie, bien évidemment, à CJMD-FM. Donc, on vous rappelle, comme je disais tantôt, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. C'est disponible dès maintenant. On a eu un petit problème avec le site, mais là, c'est réglé. Maintenant, l'émission de la semaine passée a été mise en ligne cette nuit. Donc, vous pourrez aller l'écouter après. Celle d'aujourd'hui sans problème. Et donc rendez-vous sur le site, mais aussi rendez-vous sur la page Facebook de Puissance Maximale. Comme ça, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais surtout pour avoir des éléments et des informations fraîches sur l'émission, des nouvelles qu'on poste à l'occasion sur le site, des éléments supplémentaires lors des émissions. Des fois, on vous pose justement des articles dont on vous parle, des images et autres trucs du genre. Et bien évidemment, vous allez pouvoir participer à des concours. Et comme vous le savez, j'imagine bien, il y a un concours à chaque semaine à Puissance Maximale en collaboration avec notre ami Pink Vivi, Véronique Thibault. Qui est artiste. On fait tirer des petits prix comme ça à chaque semaine. Et là, à la fin de cette émission-ci, vous saurez qui a gagné les prix de la semaine passée. Qui ont vous avez des stickers, des aimants aussi de frigo et des signets à l'effigie du monde de Mario. Donc, ce sera dévoilé à la fin de l'émission. Et là, le nouveau concours est déjà en ligne depuis aujourd'hui. Cette fois-ci, pour les amateurs des petites pouliches, pour le My Little Pony, ben, ce sera un petit calendrier comme ça qui sera... possible de gagner pour le concours qui s'en vient. Donc, c'est à surveiller. Tout simplement, appuyez sur le bouton j'aime au niveau de Puissance Maximale et de la page de Pink Vivi. En fait, suivez les instructions qu'il y a sur la photo, sur la page de Puissance Maximale. Comme ça, vous allez pouvoir y participer très facilement. C'est très, très, très facile. Et voilà, je pense que mon laïus du début est fini. Et on va se rendre, M. Castegan, à une première pause musicale. Évidemment, on commence toujours nos émissions comme ça. Et là, on va commencer en puissance, mesdames et messieurs, justement avec la chanson thème. En fait, une chanson qui est reliée à l'univers des films Highlander. On sent ces vieux films des années 80-90 avec Christophe Lambert. Et quel groupe a fait beaucoup de musique avec la franchise Highlander? C'est le groupe mythique Queen. Et on va aller entendre la chanson Princes of the Universe, donc les princes de l'univers. On vous envoie ça dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. With my sword and head held high, gotta bust the dust. Burn. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben, en voilà encore. Parce qu'on était bien de voir au monticule. Et chic, chic, chic, chic, ça va. Et chic, chic, chic, chic, ça va. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. C'était déjà le vin, ça les brille là. Le terrain sans pied, les sols se terminent. On profite du content chaque soir, on s'arrache. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, mon métier, je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. Puissance maximale vous présente la chronique académique. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une nouvelle chronique académique avec M. Diego Lamana. Salut Diego, comment ça va? Très bien, toi, Miguel. Ça va très bien. Écoute, Diego, là, on va parler... la dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de documentaire. Mais là, on va parler livre. En fait, on va parler d'une maison d'édition spécialisée dans le domaine vidéoludique. Oui. Oui, je vous ai parlé de beaucoup... En fait, en plus d'être une maison spécialisée en livres et en revues sur le jeu vidéo, c'est une maison d'édition française. Donc, okay. Je vous ai parlé de beaucoup de livres, mais c'était surtout des livres en anglais. Donc, là, c'est plein de livres pour tous les goûts en français. Excellent. Et là, on va parler de la maison d'édition Pix and Love. Et là, il y a plusieurs trucs là, qui sont disponibles avec eux. Là, il y a des revues, entre autres, une revue qui s'appelle justement Pix and Love. Oui, c'est la revue qui est à l'origine de la fondation de la maison d'édition. C'est une revue dédiée au rétro gaming. C'est environ une revue d'environ 130 pages. C'est 9 €. Pour chaque revue, il y a 25 numéros qui ont été parus jusqu'à date. Okay. Donc, c'est des revues où est-ce qu'on trouve des dossiers thématiques sur les vieux jeux, évidemment, rétro gaming, mais aussi sur les vieilles consoles. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'il y a des entrevues avec des créateurs de jeux de l'époque. Donc, okay. Par exemple, il y a des thématiques sur l'histoire de consoles, sur la Amiga, Commodore 64, le Atari 2600. T'as des, comme je disais, des entrevues avec les créateurs, par exemple, celui de Alone in the Dark, qui est un français, Frédéric Reynald. Il y a aussi des chroniques sur les jeux populaires, donc qui font le tour, par exemple, de Killer Instinct, de grands jeux de l'histoire de la NES, de la Sega, et de l'époque 8-bit. Excellent. Ça fait que là, c'est vraiment une référence là, pour les amateurs de rétro gaming. Oui, absolument. Excellent. Là, au Québec, est-ce que c'est facile à trouver? Non, je les ai pas trouvés. J'ai pas vérifié là, où est-ce qu'on pourrait les trouver. Il faudrait vraiment les commander sur la maison d'édition pour Pix and Love. Okay. Pour les livres, ça se trouve aussi sur Amazon. Ah, ok, excellent. Donc, c'est peut-être un peu plus facile à commander sur Amazon. Ça coûte peut-être un peu moins cher de frais de shipping. Excellent. Donc là, on parlait de la revue Pix and Love, mais là, il y a autre chose aussi. Là, tu m'as mis une note, là, on parle des grands noms du jeu vidéo. Oui. Ça, c'est vraiment des livres dédiés à ces grands noms-là? Oui, c'est des, okay. C'est des livres dédiés aux créateurs, aux grands créateurs. Donc, c'est vraiment des livres et non pas juste des articles dans une revue. Donc, ça va être un livre qui va retracer là, l'histoire, par exemple, de Ralph Baer, celui qu'on appelle le père du jeu vidéo. Aussi de Eric Chahi, celui qui est derrière Another World. Il y en a aussi sur Kishimoto, celui qui a créé Double Dragon. C'était un spécial là, pour le 25e anniversaire de la sortie du jeu. Donc, okay. C'est des dossiers thématiques comme ça sur les créateurs et leurs créations. Fait que là, si vous êtes, mesdames et messieurs, vous êtes intéressés par un créateur en question bien spécifique, ben vous pouvez vous rendre sur le site de la revue, en fait, de la maison d'édition, puis il y a peut-être à voir quelque chose là, sur un des créateurs que vous aimez tant, donc ce sera vérifié pour la série des grands noms de jeux vidéo, mais il y a aussi d'autres choses. Évidemment, qui dit créateur dit série culte, et il y a quelque chose aussi sur les séries cultes. Oui, donc la collection série culte du jeu vidéo, c'est des livres qui se consacrent à des classiques. Donc, pour en nommer que quelques-uns, la liste n'est pas... Il y en a quinzaine, et c'est par exemple sur Sonic, l'histoire de Sonic, l'histoire de Castlevania, Zelda, Metal Gear Solid, Grand Theft Auto, Pikachu, Final Fantasy VII et évidemment Mario. OK. Donc, là, on parle d'histoire, de la création. J'imagine qu'il doit y avoir des petits trucs aussi sur le développement du jeu en tant que tel, peut-être les déboires que certains développeurs ont eu pendant la création. Oui, les polémiques aussi par rapport à GTA, ça va être sur les polémiques. Il va y avoir aussi, c'est des livres illustrés, donc c'est pas juste des livres de texte, c'est vraiment des beaux livres. OK. Des belles images, donc c'est des livres de collection, si on veut. Ah, bien évidemment. Oui, vas-y, vas-y. Donc, chacun des livres ont un peu leur contenu spécial, tout dépendant du livre qu'ils couvrent. Là, par exemple, Zelda, il va y avoir des analyses sur le contenu. Sur Metal Gear Solid, on va plus axer autour de Hideo Kojima, là, le créateur. Ensuite, là, il y a aussi Devil May Cry. Donc, sur Pikachu, par exemple, ça va être sur l'analyse sociologique du phénomène Pokémon. Donc, on tourne autour du sujet là, principal. OK, c'est qu'on a vraiment... Chaque livre a quand même des trucs qui se ressemblent d'un livre à l'autre, mais il y a ces particularités là, d'un livre à l'autre, donc ça vaut la peine, justement, de se lancer. S'il y a plusieurs titres qui vous intéressent, ben il faut pas s'attendre à retrouver la même chose. Absolument, c'est ça. Excellent. Et là, il y a autre chose aussi de chez cette maison d'édition-là, les cahiers du jeu vidéo. Oui, les cahiers du jeu vidéo, qui est un clin d'œil aux cahiers du cinéma. OK. C'est la revue fondée, la mythique revue fondée en 51. Qui est lié à la naissance du cinéma de la Nouvelle Vague, notamment parce que Godard et Truffaut, ils faisaient des critiques avant de devenir cinéastes. Donc là, ils ont repris un peu cette idée-là des cahiers du jeu vidéo. Donc c'est des cahiers, c'est des revues qui vont faire des critiques. C'est réalisé autour de thèmes. Donc là, il y en a quatre qui sont sortis actuellement. Il y en a un, c'est sur la guerre. L'autre, c'est sur le foot. On parle de soccer. Ben oui, ben oui. L'autre, c'est sur les légendes urbaines, l'urbanisme. C'est par rapport aux mythes qui sont dans les, par exemple, dans The Sims, Final Fantasy et GTA. OK. Et finalement, le dernier, c'est Girls Power. Donc, sur les filles et le jeu vidéo. Ah, excellent. Donc, finalement, c'est vraiment intéressant parce que là, on a possibilité de parler des créateurs, soit des séries, et là, on peut y aller aussi par thématique. Puis j'imagine justement là, que avec ces thématiques-là, on a des critiques, mais j'imagine qu'on va ailleurs aussi, que c'est pas le c'est des critiques différentes. Là. Oui, non, c'est ça, c'est effectivement, c'est des critiques rafraîchissantes, comme le proposait à l'époque les cahiers du cinéma. Les cahiers du jeu vidéo essaient d'amener une nouvelle forme de critique, sinon pas uniquement comme c'est des jeux qui sont parus depuis longtemps, c'est pas une critique savoir si le jeu est bon ou qu'est-ce qu'il nous propose. Mais par exemple, pourquoi les War Games amènent-ils autant d'adeptes, les Medal of Honor, Call of Duty? Est-ce que c'est des jeux d'histoire, des jeux de propagande? Donc, c'est vraiment de voir là, les différents jeux de guerre, par exemple, dans la thématique guerre, savoir quel jeu de guerre par rapport à leur nationalité, quel type, qu'est-ce que ça amène. L'impression, ils voient aussi, là, ils vont parler des différents jeux par rapport à l'histoire, donc de Space War, un des premiers jeux vidéo minimalistes versus Call of Duty. La guerre est toujours présente, donc c'est quoi qu'est-ce que le genre suggère? Qu'est-ce que les genres liés à la guerre, là, le beat'em all, shoot'em up, FPS, qu'est-ce que ça suggère? L'utilisation de ces genres. On parle des jeux, mais on fait aussi la critique des genres en tant que tel, puis de leur impact aussi dans l'univers vidéoludique. Ça, c'est franchement intéressant. On voit pas ça souvent, en fait. Non, il y en a pas beaucoup, surtout en français. Ouais, puis là, en plus des cahiers de jeux vidéo, là, où on va parler des genres, ben là, on va, évidemment, comme on en a parlé un peu avant, mais là, y aller vers l'histoire du jeu vidéo, puis là, ça peut partir dans tous les sens. Je pense que ben là, on peut parler vers l'histoire de certains styles, de certains genres, justement, mais aussi de compagnies, carrément. Oui, effectivement. Donc, c'est selon la volonté des auteurs, donc qui ont écrit les livres. Donc, on peut aller de base, l'histoire des jeux vidéo, l'histoire de Nintendo, PlayStation, donc il y a vraiment tout. Il y a aussi des par rapport au genre, l'histoire du RPG. Il y a un livre sur l'histoire de Pong. Donc okay. Ça va vraiment dans tous les sens. Donc ceux qui sont encore une fois des amateurs d'histoire, ben vous allez être servis avec cette collection là. Et là, on va parler d'une autre collection qui est disponible chez Pix & Love. C'est quelque chose. Écoute, c'est inscrit collection les Bibles. C'est quoi ça? Oui, c'est une sous-collection de l'histoire du jeu vidéo. C'est vraiment, les livres sont absolument magnifiques. Okay. Donc, je vais faire... c'est des livres qui font un peu le tour d'un sujet, comme on le voyait dans l'histoire du jeu vidéo, mais qui ont... Il y a vraiment une... Le livre lui-même a une esthétique particulière. Donc, ça va être... Il y a 6 livres sur la Bible, le Game Boy. Donc, ça part de Super Mario, Tetris, Zelda, Pokémon... le Game Boy classique. Donc ça, c'est les différents sujets là, par rapport aux 6 seulement de Game Boy. Il y a aussi la Bible du PC Engine, okay, en 2 volumes. La Bible du Super Nintendo et une de mes favorites que malheureusement qui est épuisée. Donc il faudrait que je vérifie sur Amazon si je pourrais le commander, s'il en reste encore quelque part. C'est la Bible NES Famicom. Oh. Donc, en plus d'être des livres fort intéressants, d'à peu près comme celui de la NES Famicom, c'est 430 pages. Okay, il y a de la viande là-dedans. Oui, ça va vraiment des origines jusqu'à les derniers jeux sortis. Je crois qu'il parle de plus de 1900 jeux chroniqués. Ce qui est vraiment magnifique, c'est que le livre ressemble à une cassette de jeux de Nintendo. Cool. Et qui est dans une enveloppe comme l'enveloppe des cassettes Nintendo d'époque, donc l'enveloppe noire, donc tu glissais la cassette. Ouais. Donc le livre est comme ça, donc c'est un objet complètement magnifique. Donc on pousse le concept au fond. Oui, donc pour 430 pages par exemple, ce livre-là, c'est peut-être un des plus chers de la série. Il est à 30€. Ok, ouais. J'imagine que cette collection-là, c'est là qu'on retrouve les ouvrages les plus chers, j'imagine. Oui, absolument. Ça va autour de 30 à 40 euros. Là. Par exemple, les Game Boy sont plus onéreux. Donc, les Game Boy, ce sont de toutes les couleurs différentes. Donc, le Game Boy classique est à la couleur du classique. Celui de Pokémon est jaune, Zelda vert, Tetris mauve, puis Super Mario rouge. Donc, ça donne vraiment une couleur, ça donne vraiment une collection magnifique à avoir. C'est un peu leur collection de la Pléiade, là, mais version jeu vidéo. Oui, absolument. On peut comparer ça comme ça. C'est bon. Donc, et là, avec les Bibles, là, finalement, on arrive à la dernière collection qui est finalement comme un hors-série, un hors-collection, finalement. Oui, moi, c'est par là que j'ai connu la maison d'édition. C'est avec le livre de Alexis Blanchet, qui est « Des pixels à Hollywood » sur les liens entre l'industrie du cinéma et le jeu vidéo. Oh. C'est sa thèse de doctorat qu'il avait déposée à l'université, je crois, pardon, j'ai un blanc, je ne me rappelle plus où il est allé. Donc, c'est l'Université de Paris-Ouest, Nanterre. Okay. Donc, c'est sa thèse de doctorat. Moi, j'avais lu sa thèse de doctorat dans le cadre d'un de mes cours. Et c'est une thèse vraiment, vraiment amusante. Peut-être une des plus amusantes que j'ai eu la chance de lire. Il fait vraiment le tour de l'histoire des liens entre l'industrie du jeu vidéo et l'industrie du cinéma hollywoodien. On sait que maintenant, de plus en plus, il y a des liens qui se font maintenant de plus en plus là, par rapport à entre les deux industries. Là, on peut pas le nier. Ça fait que de voir l'histoire de ces liens-là, justement, de comment ça s'est développé, ça doit être très, très, très intéressant. Oui, lui, il retrace l'histoire commune des deux médias à partir des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Là, il fait vraiment le tour des formes de relations transmédiatiques qui existent. Par exemple, adaptation, inspiration, pastis, plagiat, critique, tous les échanges possibles entre les deux formes. C'est vraiment fascinant, particulièrement quand il fait l'analyse de la sortie du film The Wizard, okay, en 1989-90, juste avant la sortie de Super Mario 3. En fait, le film The Wizard est essentiellement un produit publicitaire. Ben oui. Pour le jeu Super Mario 3, et il montre comme quoi que ça a fonctionné même plus haut que les attentes de Nintendo à l'époque. Pour ceux qui se rappellent seulement du nom français, le nom de ce film-là, oui, en français, c'est L'Enfant Génial. Ah oui, c'est l'Enfant. Ah bon, je ne m'en rappelais pas. Voilà. Donc, ah ben, excellent, ça c'est le fun justement. Là, déjà à l'époque, on voyait bien qu'il n'y avait que du Nintendo partout dans ce film-là, puis sans parler du fameux gant, du Power Glove, oui, qui était d'une inutilité innommable, mais qui ont fait la grosse publicité dans ce film-là pour ce produit Nintendo. Oui, ils ont fait les tournois aussi, puis ils ont même recréé les tournois à travers les États-Unis qui se promenaient dans une trentaine de villes avant la sortie de Super Mario 3. Donc, le film a fonctionné uniquement parce que tout le monde attendait Super Mario 3. Ce qui est vraiment fascinant, parce que quand on réécoute le film aujourd'hui, c'est pas un chef-d'œuvre. Non, non, loin de là. Donc là, disponible, entre autres, là, dans la série hors collection de chez Pix & Love. Bon, comme vous avez pu entendre, mesdames et messieurs, une grosse maison d'édition vraiment intéressante pour les gens qui veulent lire. Au niveau de l'histoire, de plein d'autres sujets par rapport à l'industrie vidéoludique. Donc, lancez-vous là-dedans. On vous rappelle Pix & Love. On mettra un lien sur la page Facebook de l'émission, bien évidemment. Et là, avant de se laisser, Diego, on va parler d'un symposium annuel de l'histoire du jeu qui s'en vient. Oui, je vous avais glissé un mot il y a une ou deux chroniques, mais j'étais un petit peu trop rapide sur la gâchette parce que les informations n'étaient pas toutes sorties. La sortie s'est faite la semaine dernière, le lancement du site web. C'est encore le symposium comme l'année dernière il y a eu. C'est sur l'histoire du jeu vidéo. C'est à Montréal, à la Grande Bibliothèque nationale, au centre de ville. Je n'étais pas certain si ça coûtait de l'argent. L'année dernière, c'était gratuit pour les étudiants, mais il y avait des frais pour les non-étudiants. Cette année, tout est entièrement gratuit. Oh, excellent. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent se rendre à Montréal pour aller voir ça. De plus, il va y avoir aussi des conférences en français, ce qui est encore un ajout de l'année dernière, c'était uniquement en anglais. Donc, il y a beaucoup de choses en anglais encore aujourd'hui, encore cette année, mais il y a quelques conférences en français. Excellent. C'est intéressant. Et comme l'année dernière, il y a aussi le concert de l'orchestre de jeux vidéo. Et je vous le recommande chaudement, mesdames et messieurs. Je les ai vus deux fois. Et à chaque fois, des frissons. Que du bonheur à aller voir l'orchestre de jeux vidéo à Montréal. Oui. Ça vaut vraiment la peine. Oui. L'autre, ça va être un concert dédié à la NES. Oh. Et les prix, c'est 10$ enfants, 15$ étudiants et aînés, 60 ans et plus, et 25$ pour les adultes. Donc, c'est très abordable. Je crois que c'était quasiment le double l'année dernière. Ça vaut la peine. Ça vaut amplement la peine. Et le 25$ pour les gens qui vont là, de façon tarif général, là, ça vaut amplement le 25$. C'est un super beau concert. Oui, donc le colloque, c'est le 27 et le 28 juin prochain. Et le spectacle, c'est le 28 juin à 19h30. Excellent. Écoute, à la salle Polac de l'Université McGill. Merci beaucoup, Diego, pour cette annonce, parce que ça, c'est une autre belle activité que les gens de Montréal, mais aussi les gens de Québec et de partout au Québec pourront se rendre pour en apprendre un peu plus sur le monde vidéoludique, puis aussi pour entendre de la superbe musique également. Merci beaucoup, Diego, pour ta chronique, encore une fois, des plus pertinentes. Et on se voit le mois prochain. Oui, le mois prochain. Bye-bye, Diego. Excellent, merci. Au revoir à tous. CJMD 96.9. Bon matin, je m'y suis levé, seul dans mon lit, bien étonné. La belle de nuit s'est envolée. Trois grands coups à ma porte frappés. Oh, qui va là de si bon matin? Ce visage-là ne me dit rien. Une robe noire, des yeux éteints. Une grande faux à la main. Je suis la mort et je viens te chercher. Je t'emmène devant les jurés. Ce sera à eux de décider où tu passeras l'éternité. Oh, ça va mal, ça va mal. Tu parles d'un réveil brutal. Oh, ça va mal, ça va mal. Je suis convoqué au tribunal. Oh, ça va mal, ça va mal. Hey, voyons donc, moi, j'ai rien fait de mal. Oh, ça va mal. Wow, wow, wow, wow. Un instant. Madame la mort, vous devez vous tromper. Je peux pas déjà m'en aller. Je suis fringant, en bonne santé. Pis y'a tant de filles que j'ai pas embrassées. Sache que ta dernière aventure était femme de préfecture. C'est ton amour des créatures qui a creusé ta sépulture. La belle avec qui t'as couché, c'était la femme du député qui l'accompagnait dans le comté. Parce que ça paraît bien en société. Oh, ça va mal, ça va mal. Libertinage extra-conjugal. Oh, ça va mal, ça va mal. Avec la femme d'un libéral. Oh, ça va mal, ça va mal. En pleine campagne électorale. Oh, ça va mal. Il faut enterrer les scandales. Esselée au bord du quartier, elle exhibait son décolleté. Je vous jure, c'est elle qui me l'a demandé. On va-tu chez vous s'amuser? Mais sur la route vers ton logis, t'as pas vu que t'étais suivi. Le garde du corps de son mari mettait des balles dans son fusil. Et une fois devant le Créateur, j'ai confessé toutes mes erreurs. J'étais pas vraiment un enfant de cœur. J'avais quand même un bon cœur. Du haut de son trône, le bon Dieu m'a dit: ma magnanimité est infinie. Je te pardonne tes infamies. Je t'ouvre les portes du paradis. Youpi, mais divin barbu, je veux pas vous contrarier. Moi, c'est en enfer que je voudrais aller. C'est que j'ai un petit compte à régler avec un certain député. Et j'ai attendu 12 éternités, toujours pas de trace de mon député. Et ce matin, un ange m'a dit qu'il a accédé au paradis pour service rendu à la patrie. Mais oui, mais oui, j'suis même pas surpris. Même le paradis, j'avais des amis là-bas aussi. Oh, ça va mal, ça va mal. J'suis bien content de pas avoir d'elle. Oh, ça va mal, ça va mal. S'il y a pas de justice au ciel. Oh, ça va mal, ça va mal. Ouais, bien content de pas avoir d'elle. Oh, ça va mal, ça va mal. S'il y a pas de justice au ciel. Salut, c'est Fred. Seb. Vous écoutez Puissance Maximale. Maximale. Mal. Mal. Y a plein de mal. Oh oui, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après cette chanson de mes aïeux et la chronique de M. Diego Lamana. Et nous sommes de retour en promo, mesdames et messieurs. Et oui, en fait, j'ai eu un petit message pendant la chronique de Diego de M. Danny Simard de La Revanche. Oui, Pub La Revanche à Québec. On vous rappelle, Pub Ludique, où vous pouvez vous rendre, payer un petit 5$ à l'entrée et jouer à plein de jeux de plateau. Et là, vu qu'on va parler de King of Tokyo ce soir avec Louis-Étienne, ben, le Pub La Revanche vous offre spécialement à vous, auditeurs de Puissance Maximale, un petit rabais, en fait un bon rabais, un bon 15% de rabais sur le jeu King of Tokyo si vous vous rendez en magasin. Donc c'est pas compliqué, vous appelez d'ici demain midi au 418-263-5389, 418-263-5389, et vous mentionnez la promo de Puissance Maximale King of Tokyo à La Revanche, et eux vont pouvoir s'organiser avec vous pour vous remettre, en fait, pour vous puissiez avoir votre 15% lors de l'achat en magasin. Donc je vous rappelle le numéro, le 418-263-5389 au Pub La Revanche, et vous aurez le droit à un 15% sur le jeu King of Tokyo dont on va parler un peu plus tard dans l'émission, en fait dans la deuxième moitié de la dernière heure de Puissance Maximale. Ben merci beaucoup Danny, et merci aux gens de La Revanche. D'ailleurs, présentement à La Revanche, il y a un tournoi de King of Tokyo. Donc voilà, c'est dit. Encore une fois, merci beaucoup aux gens de La Revanche de participer avec nous à Puissance Maximale et offrir des belles offres comme ça à nos auditeurs. Donc voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Je vais faire un petit post Facebook pour ça. C'est déjà fait, Monsieur Castegan. C'est déjà fait. Ça va vite, hein? Et c'est déjà sur Facebook. Si vous avez besoin des informations, vous appelez. Le numéro est déjà sur la page Facebook et aussi un petit lien vers la page Facebook de nos amis de La Revanche. Voilà! Il reste 7 secondes. Non, je sais, mais je laissais aller, je l'aime tout de même. Donc voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup encore aux gens de La Revanche. Sinon, un petit rappel rapide pour revenir sur ce que Diego nous a dit en chronique. Chez les gens de Pix & Love, il n'y a pas juste des livres de référence, il y a des choses, il y a des goodies, comme il y a entre autres des figurines, des BD, des romans et des guides stratégiques qui sont offerts dans cette maison d'édition-là. Diego tenait à ce que je fasse le petit rappel pour être sûr qu'on n'oublie rien. Donc, allez tout simplement sur le site, vous allez voir, c'est malade. C'est vraiment, mais vraiment intéressant. Puis là, tu fais, wow, ça va me coûter très cher acheter tous les livres qui m'intéressent sur ce site-là. Mais merci beaucoup à Diego de nous l'avoir fait découvrir. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour donc à Puissance Maximale après toutes ces belles annonces et cette magnifique chronique. On va faire avec Monsieur La Jeunesse parce qu'il a eu la chance d'y jouer. Moi, je vais pouvoir jouer un peu plus au courant de la semaine. On va revenir avec quelque chose de plus élaboré la semaine prochaine, une critique plus élaborée. Mais Monsieur La Jeunesse, tu as eu la chance de commencer à jouer à Wolfenstein. Ouais, exact. J'ai commencé ça hier. J'ai fait peut-être une heure et demie, deux heures de gameplay à peu près. Là, on parle de version PC, bien ouais, évidemment. Je joue version PC. Pourquoi? Parce que... les jeux de copie de sauvegarde. mais... puisque je suis un vrai gamer, ben je le joue avec une manette Xbox. Ah ouais? Oh oui, clavier souris, c'est de la merde. Non, non, ça va très bien, clavier souris. Ça va très bien pour un jeu de première personne. Non, non, non, non. Toujours nuancé dans mes propos. Ah. Ouais, non, j'ai vu ça sur Facebook, Eric. Si on parle des graphiques au départ, là, tu vois, moi j'ai un i5, 32 GB de RAM avec une Radeon HD 6850. Puis tout est à côté dans le prélard, aucun lag. Là, il est vraiment, vraiment beau. J'ai pas vu de glitch bizarre encore, pas de bug, rien là, rien qui nuit au gameplay ou quoi que ce soit. T'es en train de me dire que t'as entre les mains un jeu complet et fignolé? On dirait bien, ouais. Ah ben, Colin, ça fait longtemps. On dirait bien. Ouais. Non, attends un peu. Bethesda. Jeu complet, fignolé, pas trop de bugs. Non. Ah mon Dieu! Spécial, le problème, c'était pas le jeu complet, c'était le bug, le problème avec eux autres. Moi, je te dis, j'ai aucun pépin encore. L'histoire est quand même surprenante, même prenante. Là. C'est intéressant à suivre. Là. D'habitude, je suis un gars qui saute les cutscenes assez raides. Là. Mais celle-là, je les regarde. Comme on en parlait tantôt au souper, je commence le jeu, j'ai peut-être une heure de fête. Cinématique qui part, puis finalement le générique de début. C'est comme, ah, waouh, c'est bien nice. Et j'avais même oublié qu'il n'y avait pas de générique, tu sais. Puis l'histoire prend vraiment une tournure complètement différente à partir de ce moment-là. Dans le fond, à partir du début du jeu, si on parle du générique, là, on se ramasse 14 ans plus tard après le début du jeu. Puis comme notre personnage sort. Je ne dirais pas d'un coma parce qu'il était conscient, mais il était dans un asile. Puis les nazis, tu sais, l'Amérique a. Vas-y. Surrender. Asti. C'est rendu. C'est rendu aux nazis. Ouais, c'est ça, c'est dans une histoire parallèle où les nazis vraiment... ont fait la passe à l'humanité. Exact, c'est en plein ça. Puis, franchement, là, c'est. L'IA à date est pas trop bête. Bon, tu sais, j'ai vu une couple de nazis sortir la tête à la même place d'un cadre de porte, là. Ils attendaient juste le pruneau, là. Non, c'est ça. Mais généralement, tu sais, ils font pas juste... C'est quand même respectable. OK. C'est qu'on a quelque chose de bien entre les mains. Oui, à date, je suis agréablement surpris, là. OK, ben moi, j'ai hâte d'y jouer parce que moi, j'ai pas rejoué à un Wolfenstein depuis les vieux là, de l'époque de Doom, puis même avant Doom, bien évidemment. Mais moi, le dernier que j'avais joué, c'est Return to the Castle of Wolfenstein. C'était correct. J'ai pas joué à d'autres. Je l'avais bien aimé. Il était gore en plus. Ouais. Es-tu gore un peu, celle-là? À peine. on va penser que c'est plus qu'à peine avec ton ton de voix, Eric. Est-ce qu'il y a de la nuance dans ton à peine? Pas du tout. Ben, ça va être à surveiller. En tout cas, moi, c'est sûr que la semaine prochaine, de mon côté, je vais essayer de jouer assez longtemps pour pouvoir faire une critique approfondie la semaine prochaine. Merci, Eric, de nous avoir parlé de ça. En tout cas, c'est très, très, très... comment je pourrais dire ça? J'ai hâte d'y jouer. en fait. Oui, puis hâte, t'as raison d'avoir hâte aussi. Là. Mais ça, ben justement, là, j'avais hâte. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un shooter, un tireur à la première personne, ça fait longtemps. Et là, j'ai hâte de tomber là-dedans, surtout que c'était pas cette époque-là. Façon de parler, là, mais l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Fait que de voir comment on joue avec ça dans les univers fictionnels, ça m'intéresse également. Ouais. C'est le genre de tomber là-dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Wolfenstein The New Order, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, on va rentrer là-dedans, là, puis on va tester ça pour vous. Allez, on va parler, écoute, je vais vous parler de... La semaine passée, on a parlé avec Marcus des Deux Snooze. On a parlé de Watch Dogs, version PlayStation, Xbox et version PC. Écoutez, et PS4. Et PS4. Écoutez, moi, je vais amener mon petit bémol parce que là, Marcus, lui, heureusement, je suis bien content pour lui, avait réussi à jouer sur une version PC, ma foi, sans trop de problèmes. Puis moi, j'ai essayé de jouer la semaine passée. Puis Andrew peut confirmer, là, chez nous, j'ai quand même une très bonne machine. Ah, je l'ai monté moi-même. C'est ça, donc. En échange d'un délicieux repas. Voilà. Donc, si vous voulez avoir de l'aide informatique, appelez Andrew. Non, mais ben, ça pose pas, c'est privilégié. Non, c'est ça. C'est le forfait VIP. Moi, j'ai juste besoin de le nourrir, puis tout va bien. Mais c'est ça, Andrew avait monté ma machine. Il peut témoigner que c'est une Christie de bonne machine de gaming. Puis, je suis pas capable de jouer à Watch Dogs. C'est pas une question de ça va moins bien. Je suis à médium. Je suis même pas à high ou à very high. Impossible. Ça joue mal à medium. Et j'ai vraiment un problème parce que moi, chez nous, j'ai deux écrans. Ouais. Quand je tombe à full screen avec mon personnage, avec mon jeu, ma souris sort de mon autre écran. Ça va dans l'autre écran. Ça n'a jamais fait ça avec aucun jeu. C'est que moi, je joue à mon jeu, puis à un moment donné, il y a ma souris qui apparaît dans l'autre écran. Puis là, je clique pour faire de quoi, puis là, je sors du jeu, je reviens sur mon desktop, là, je fais. What the fuck? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas la première fois que ça arrive. Ah, moi, oui. Non. Quel jeu on a essayé? On en a parlé? Tomb Raider. Ouais, mais c'est Tomb Raider. Ubisoft fait des jeux où tu peux te promener comme ça, mais si tu le mets en window ou en tout cas, il y a une façon. Si tu le mets en full screen, moi, ça m'a jamais fait ça. Ah non, mais moi, en full screen, la souris sortait, la souris traversait l'écran, moi, là, non? Pas moi. Puis j'avais le contrôle à côté, là. Moi, je pouvais faire ça si je faisais mon tab. Si je vais comme sortir du jeu, le jeu restait sur l'écran principal, mais je pouvais promener ma souris. Okay. Là, il fait sans que je le veuille. Okay, là, je suis en train de jouer. Non, ça, c'est pas. Là, je pèse un piton, puis là, je retombe sur mon desktop. Puis là, mon jeu est. Là, je fais. Non, c'est bien nul. C'est injouable. Puis j'ai essayé pas mal de trucs. Des fois, je le mets en window. Puis là, je le remets en mode full screen. Là, il arrête de le faire, mais il recommence à le faire. Des contrôles assez difficiles à manier parce qu'il y a des problèmes au niveau graphique, là. Il y a des. Ça glitch. Il y a vraiment des ralentissements, des drops de framerate assez importants. Okay. Puis, tout ce que je peux faire de mise à jour au niveau PC est fait. Fait que là, il y a des gens qui sont capables, mais il y a beaucoup de critiques sur le net qui sont sorties. Comme moi, des bonnes machines de jeu au niveau PC qui sont pas capables de jouer avec Watch Dogs. Peut-être que je l'essaye, voir ça mienne. Parce que là, présentement, Watch Dogs, c'est un. D'ailleurs, j'avais ça sous la main, je peux en parler. Là. Watch Dogs, record de vente. Ubisoft est fier de nous annoncer. Donc, je cite un article de jeuxvideo.com, des chiffres de vente record pour son dernier blockbuster. Donc, ils nous disent ils ont écoulé plus de 4 millions d'unités sur sa première semaine de sortie, s'imposant ainsi comme la nouvelle franchise de jeux vidéo la plus vendue au monde à son lancement. Après avoir déjà battu les records de vente lors du premier jour de sa mise en marché, Watch Dogs est désormais, pour Ubisoft, le jeu le plus vendu sur sa première semaine. Donc, il y a Geoffroy Sardin, qui est directeur marketing de vente chez Ubisoft, qui dit « Avec un tel dynamisme des ventes et les avis positifs des joueurs, Watch Dogs s'impose comme le jeu incontournable du moment. Nous sommes très fiers de ce résultat et nous sommes confiants quant à l'avenir prometteur de la marque Watch Dogs. » Et là, en plus, moi, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont joué au jeu. Il y a des gens qui sont déçus par le jeu. Parce que oui, le monde ouvert, oui, toujours des trucs à faire, mais il y a quand même le petit côté répétitif qu'on retrouvait, entre autres, chez Assassin's Creed, avec des trucs du genre, de tu sais, on va collecter des trucs là, pour débloquer des choses qui sont vraiment pas utiles. Et du backtracking. Des affaires de même. Ah. Il y a du quick travel sur la map. Okay. Donc, au moins, on se fait moins chier. Mais, écoutez, ça, c'est bien beau, mais il y a des gens PC qui ont payé pour leur jeu puis qui sont pas capables de jouer. Ça, je trouve ça inacceptable. Puis ben même moi, je te dis une autre affaire inacceptable. Vas-y donc. En fin de semaine, j'ai joué à Watch Dogs. Oui. Et je te parle pas juste de la version PS4. Je te parle en général. Tu joues. Tu passes 3 heures de jeu. Ben, ça a de l'air que si le serveur Uplay, là, n'est pas disponible au moment où tu joues, ben, ta sauvegarde, ouais, t'as peur. Pardon? Ouais, il y a des problèmes de sauvegarde au niveau du cloud saving. Ah, OK. Parce que moi, j'ai joué 3 heures en fin de semaine. J'ai éteint ma console. J'ai rallumé ma console pour jouer plus tard dans la journée. Unable to upload save file. J'ai fait, ah, OK, bon, il n'y a pas l'autre dans le cloud. Je l'ouvre le jeu. Ah non, tout ce que j'ai fait, c'est plus là. Pour tout que tu recommences. Moi, c'est comme, quoi? Moi, j'ai toujours dit, Uplay, c'est une aberration. C'est comme Origin. Ça devrait arrêter d'exister. Les Christie se regardent en cloud. En fait, on se le cachera pas. Uplay, c'est un gros DRM camouflé en magasin virtuel. Mais ça marche plus. Mais ça marche pas. On s'entend, là. C'est pas fonctionnel. Ça fonctionne pas, Uplay, au niveau du DRM, du contrôle, finalement, des licences. Ça fait que là, c'est juste un gros truc de plus à gérer pour la machine. Puis au niveau pour saver, sauvegarder nos trucs. Puis en plus, c'est pas disponible après. C'est vraiment ridicule. Ça fait que là, pour le moment, en tout cas, moi, je suis assez déçu. C'est bien le fun, là, que tu sors ça sur 5 plateformes. Le monde sur Xbox One puis PS4 sont bien contents. Les jeux vont bien, à part des problèmes de save. Mais les gens sur PC, il y en a bien qui sont pas capables de jouer malgré des bonnes machines. Puis là, c'est pas juste moi, là. Mais pas juste ça. Si tu joues avec un clavier, t'appuies sur la touche W pour accélérer. Ah, c'est dans le tapis. C'est pédale au plancher. Le char dans le tapis, il y a de la misère à contrôler. Ça, semaine passée, ouais. C'est très difficile à contrôler. C'est un petit peu ridicule, en fait. Pour ça, moi, je m'en vais sur Grand Theft Auto Online. Ça se contrôle comme un charme. La physique des véhicules, c'est numéro un. C'est vraiment à retravailler. C'est ça qui est plate un peu. Tu peux pas te faire frapper par un train. Grosse déception. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout. Ben, moi, je trouve ça plate. Au niveau des contrôles, c'est vraiment ridicule. C'est plate parce que cette semaine, je voulais vous parler de ça. Moi, je voulais jouer tout plein pour vous arriver en disant « Regardez tout le monde, j'ai joué à Watch Dogs, ce que j'en pense. » Je peux pas rien vous dire, mesdames et messieurs, parce qu'au niveau contrôle, moi, je joue clavier. Ben, je pourrais jouer avec une manette. J'ai une manette à la maison. Si tes gâchettes sont pas à gradateur graduel, t'es pas capable. Ben, c'est ça. Bon, il y a ça. Donc, ça, c'est mon cas. Il faudrait de toute façon, à la base, je vais aller me racheter une nouvelle manette, peut-être pour mon PC. Mais là, j'ai un bon PC. Là, j'ai pas de la scrap à la maison. Je suis vraiment bien équipé. Puis, ça fonctionne pas. Même à médium, j'ai des gros problèmes. Donc, je suis obligé de dire que je remettrai à plus tard ma critique de ce jeu-là. Mais moi, être Ubisoft, j'arrêterai de me péter les bretelles. Puis, je travaille. Là, ils disent qu'il y a un patch qui s'en vient. D'ailleurs, j'ai pas vérifié depuis une couple de jours là, s'il y avait des nouvelles par rapport à ça. Ce sera vérifié. Mais c'est bien beau sortir un patch. Mais quand on va acheter un jeu à 60$, on veut au moins jouer. Ce qui n'est pas le cas pour bien des gens, dont moi. Donc, chez mon new Ubisoft, c'est bien le fun de faire des records de vente, mais ce serait le fun aussi que les gens qui achètent vos jeux puissent y jouer. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule de la semaine. Vraiment déçu de la gang d'Ubisoft, même qui avait sorti un... On en a parlé de toute façon la semaine passée avec Nvidia qui a sorti un kit de driver pour régler plusieurs problèmes dans le jeu. Même un patch quasiment à la sortie qui a été sorti par Ubisoft justement pour régler des problèmes. Je veux dire... Ah, c'est sûr que là, présentement, les actionnaires d'Ubisoft sont bien contents. Ils ont poussé dans le cul de la compagnie pour qu'ils sortent leur Christie de jeu. Ça rappelle ma source anonyme. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Ah oui, c'est ça. Des bugs importants. Puis, il y a beaucoup de personnes, présentement, qui en souffrent, on va dire ça comme ça. À quel point on peut souffrir de ne pas jouer à un jeu, là, on en reparlera. Mais quand même, c'est vraiment... en tout cas, moi, je trouve ça vraiment ridicule. En plus, avoir des problèmes... Justement avec le Uplay, là, on peut s'arrêter là, avec le cloud saving puis laisser les gens sauvegarder leur partie en local puis avoir la Christie de paix puis laisser les gens pouvoir jouer à leur game. T'sais, on parle du contrôle. Une fois qu'on a acheté le produit, c'est à nous. Là, on peut-tu l'avoir pour vrai puis en profiter? Ben, de moins en moins, visiblement. Non, mais c'est comme ça maintenant. Non, c'est maintenant, ça. Tu achètes le droit d'utiliser... Non, c'est ça. N'importe quoi. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était mon coup de gueule. Tant mieux si vous êtes capable de jouer. Je suis bien content pour vous. Pas moi. Donc, moi, ça me fait chier. C'est dit. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est presque la fin de la première heure de Puissance Maximale. On va revenir après la pause musicale pour vous parler encore de nouvelles ludiques, bien évidemment. Et un peu plus tard dans l'émission, Louis-Étienne Desgagnés va arriver pour nous parler de King of Tokyo. On vous rappelle que nos amis du Pub La Revanche vous permettent, mesdames et messieurs, d'acheter King of Tokyo à 15% de rabais si vous leur téléphonez. C'est sur la page Facebook de Puissance Maximale. Une autre bonne raison d'aller appuyer sur le bouton « J'aime » pour avoir ces informations-là. Rendez-vous rendez-vous sur Facebook pour avoir l'information. Donc, tout simplement appeler au 418-263-5389 et mentionner la promo Puissance Maximale aux gens de la revanche pour King of Tokyo. Monsieur Castegan, pour la pause musicale, nous irons pour un doublé. En fait, on va aller dans l'épique. On va aller entendre Monsieur Brental Floss avec sa chanson Castlevania 2 with Lyrics. Et tout de suite après, j'ai sorti ça un peu des boulamites. Le groupe Rhapsody, maintenant, qui s'appelle Rhapsody of Fire, un groupe de power metal italien symphonique, un peu cheesy, mais quand même qu'une musique assez intéressante. Et là, on s'en va écouter après Castlevania 2 with Lyrics. On va vous entendre une chanson, et là, attachez-vous pour le titre Dargor, on va le dire avec un accent français, Dargor, Shadow Lord of the Black Mountain. Voilà, c'est dit. C'est long de même, mais c'est ça. Donc, on vous envoie ces deux chansons-là pour la pause de la mi-émission à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Yeah! Dracula! I am back, you lot, to lay the smackula! Like great-grandpa Trevor, whipping hearts, inhaling zombie parts. I'll find your body parts so I can put you back together. I'll race all over the place, and when I find your face, I'm gonna slip as back as big as back. I've got your nose, and I found your toes, and your elbows, and your tiny penis. Oh my god, it's so tiny. How'd you ever have sex with this thing? Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Dracula, I will attack you, bruh. You'll be spectacular when I set you on fire. Drac appears every 100 years, but he'll cry bloody tears and wish he never was a vampire. I'll race all over the place, and when I find his face, I'm gonna sit as big as Mega. I'll amass his balls of brass, and when I find his ass, I'm gonna kick it. I'll race all over the place, and when I find your face, hey, Drac, I got you in a sack. You better watch your back, cause I'm a vampire killer. Ha ha ha, bam! My name is Greg Smythe. I'm from OUU, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette pause musicale, mesdames et messieurs. Vous venez d'entendre Castlevania 2 with lyrics de Brundlefloss et Dargore, Shadow Lord of the Black Mountain. With Fire and Hell. Non, juste Black Mountain. Okay. De Rhapsody, maintenant appelé Rhapsody of Fire. Voilà, c'est fait, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour à Puissance Maximale pour vous parler, en fait, de nouvelles ludiques. Je pensais qu'on allait parler d'alcool et de... Ah, on peut bien vous parler parce qu'on prend une petite bière tranquillement à l'émission cette semaine parce que Eric est à la maison, on va dire ça comme ça. Et bon, tu peux bien parler de la tienne si tu veux, Andrew. Ben toi, tu vas-tu parler de la tienne ou à cause qu'elle a un goût de déception, t'en parleras pas? Ah, mais sais-tu, plus je, depuis tantôt, c'est moins pire qu'au début, je te dirais. Mais quand même, c'est décevant. Mais vas-y donc, Andrew. Ben moi, c'est une bière qui s'appelle tout simplement Stout. OK. Et ici, on parle d'une bière forte noire à la framboise et au chocolat. Et là, certains, ça pourrait rebuter quelques personnes. On parle, dans le fond, d'une bière à 8% d'alcool en format de 500 ml par Multibrasse Tingwig Québec. Ah, ben c'est la même, exactement la même gang qui font ma bière décevante. Sauf que la mienne, elle l'est pas, c'est ça l'affaire. Ah, voilà, c'est juste qu'ils sont pas bons que les poires, visiblement. Mais non, j'ai goûté à la tienne tantôt, très bonne bière. C'est ça, c'est le monde, il préfère comme bière, chocolat et framboise. Mais je vous dirais, c'est un petit goût de framboise et ça se termine avec un goût très prononcé de chocolat. Oui, c'est un arôme assez subtil de framboise, mais quand même présent. C'est ça, puis on parle d'un chocolat quand même très amer là, au niveau de la bière, mais pas trop, dans le principe qu'il ne tombe pas sur le cœur. Puis on dit ici que c'est une bière délicieuse pour accompagner les desserts. Ben pas de misère à te croire, Andrew. Ben, j'ai mangé des jujubes avec, c'était très bon. Voilà. Non, on a goûté à ça tantôt, effectivement. Très bonne stout. De base, les amateurs de stout vont aimer ça, mais puis on sent le chocolat beaucoup, mais c'est ça se marie très bien. C'est une très bonne bière. Mais t'sais, je mangerais des fruits là, en mangeant ça, sérieusement, là, des petits fruits là, comme framboise. Ben, d'autres framboises. Pourquoi pas? Moi, de mon côté, j'ai vu une belle Hélène, une bière aux poires. Ma foi, j'en avais déjà bu, puis c'était meilleur que ça. Je sais pas, c'est peut-être une mauvaise batch, qui sait. Mais non, j'ai été déçu en regoutant à ça. Non, ça goûte pas vraiment la poire. Puis le goût de base, on dirait depuis tantôt, là, genre, je la bois puis je l'apprécie plus. On dirait depuis qu'elle est plus température pièce, c'est meilleur. C'est mon opinion. Mais tantôt, Eric disait qu'elle goûtait du savon. Ouais. Ouais, mais... En faisant ta réaction, prends-en une gorgée là, pour refaire ta réaction. Ah, c'est quoi, t'as du savon, ça? Ouais. Non, je pense pas en racheter, malheureusement, la même gang là, qui ont fait celle de Andrew. Mais non, sérieusement, là, un petit souper, là, puis une petite bière à manger. Ouais, on va boire en même temps qu'on mange un petit morceau de chocolat là, ou quelque chose. Là. Tout simplement, ben oui, pourquoi pas. Là, Eric, de son côté, il boit de la Sam Adams. Tout simplement. Ouais. Pourquoi pas? Ben, valeur sûre, c'est pas mauvais pantoute, c'est bien, une très bonne bière. Donc, une bière distribuée par les brasseurs RJ. Oui. Qui distribue bien de la merde, mais celle-là est bonne. Ouais. Ah oh ouais. Ben, il y en a des bonnes aussi, à part celle-là. Mais elle est particulièrement bonne. Donc voilà, on vous a parlé brièvement de bière, mesdames et messieurs. Et là, M. Castegan, normalement, et là, je pense pas que tu vas être prêt, mais ce serait le temps pour ta chronique. Saviez-vous que? Ben oui. T'es prêt? Oui, bien sûr. Je le vois en train de t'abonner sur son clavier d'ordi. Ben oui, mais non, mais j'ai ça direct en avant de moi, là. Mais écoute, pendant que tu checkes ça, j'en ai une nouvelle. Non, moi. Ben je l'ai ici, là. Je reste là. Je l'ai là en avant de moi. Ah ouais, vas-y donc. En fait, saviez-vous que... Je trouve ça très drôle. Dans le... Parce que toi-même, tu vas l'apprendre en même temps que tu vas nous le lire. Non, je l'avais lu cette semaine. Ah-ah. Uh-huh. Non, c'est vrai, c'est quoi, je suis abonné au Tumblr de You Know Gaming, puis quand ils en mettent des nouveaux, ils mettent aussi sur Tumblr. Okay. Mais c'est juste de le retrouver sur le site. Vas-y donc. Dans Sonic CD, là, je vais fouiller dans le passé. Là, effectivement. Le premier boss, dans le fond, le premier robot que Robotnik avait s'appelait The Egg HVC, trait d'union 001. Est-ce que vous savez qu'est-ce que HVC 001 représente? Au début, je pensais que c'était une maladie vénérienne, mais... Toi, Eric? Pas en tout. En fait, c'est le numéro de modèle du Nintendo Famicom. Oh! Et en même temps, c'est le chien, ça? Eggman HVC 001 est reconnu comme étant le premier Et le boss le plus facile de tout le jeu Sonic CD. Ah ben, calvasse. Fait qu'il y a certains qui pensent que ça serait une manière subtile à Sonic de faire une petite pointe là, pour dire que ça, Nintendo n'est pas à leur hauteur. Ben oui, voyons donc. Ils n'auront jamais fait ça. On se rappelle des publicités à l'époque de Sega, même à l'époque de quand la PlayStation est arrivée sur le marché. Les pubs étaient quand même assez trash, puis assez, c'était assez direct. Là. Vous êtes pourris. C'était une époque où ces choses-là étaient encore permises. Ouais, la star, ils seraient mal vus. Ben, ça, c'est diffamation. C'est n'importe quoi. Ouais. Ben, malgré que Bell et Vidéotron ont des petites tendances à refaire des petites affaires mais ça reste dans la subtilité. Il y a une différence, ça, c'est des trucs bien pensés, tu sais, juste bitcher pour bitcher, c'est pas intéressant, je trouve, là. Mais j'avoue que Crash Bandicoot, qui est arrivé à un moment donné, je pense que c'était sur le terrain du président de Nintendo, Nintendo of America, puis qui avait comme un mégaphone, puis qui criait, je me rappelle pas trop quoi, là. Je vais ouais, ça c'est shot. Mais bon. Mais sinon, j'ai un 2 pour 1. Vas-y donc. Parce que c'est les deux étaient postés en même temps sur le site. Saviez-vous quand que vous. Là, je rejoue encore dans vos mémoires, je parle encore de Sonic, là, c'est un petit spécial Sonic. Ben oui, ça ne va pas pourquoi. Quand que vous vous battez contre Eggman, vous vous rappelez que quand le robot y explosait, Eggman il sortait dans son petit pod, ouais. Son Egg Pod, puis il s'en allait. Ouais. Puis on était tout le temps comme oh, j'ai pas pu le tuer. Le salopard. Mais saviez-vous que c'était possible de le faire dans Sonic 3? Ah ouais? Oui, parce que dans Sonic 3, il y a un tableau qui s'appelle... Quand t'as un dos caché, puis tu le tires. Non, ben il y a un tableau qui s'appelle Launch Base Zone. OK. Et il y a un endroit, à un moment donné, où Sonic peut se positionner sur un bloc qui flotte, et il voit le Egg Carrier. Donc, pas le Egg Carrier, mais le Egg Pod. Fait que tant qu'il embarque pas sur la plateforme, Eggman ne s'en va pas. Mais à l'époque, il était possible, à Sonic 3, en branchant le deuxième contrôleur, de contrôler Tails. Donc, ouais. Si on utilisait Tails et qu'on le faisait sauter sur le Robotnik, Robotnik subissait des dégâts. Fait que si on sautait dessus 256 fois, ben, il explosait puis il devenait un oiseau. Ah ben, calvasse. Et le jeu buguait. Mais quand même, tu sais, dans la programmation, c'est prévu qu'il se transforme en oiseau. Quand même. Ben, j'ai plus l'impression que du fait qu'il faut le toucher 256 fois, que c'est un glitch qui fait en sorte que la mémoire a fait une affaire de je sais plus quoi interpréter, fait que ça devient un oiseau and fly and away, mais... Ah, d'accord. Bon, ben, merci beaucoup, Andrew. Mais je veux Sonic 3 pour l'essayer. Pour l'essayer. Mike, tu seras mon player 2. Il faut frapper Eggman 256 fois. On testera ça. Disponible dans une borne même près de chez vous. Ouais, voilà. Mesdames et messieurs, nouvelle importante directement des États-Unis. L'Andrew, il faudrait que tu mettes un thème de nouvelles. OK. Ben... Maudit que t'es... Faut-tu me le dire, ça? Ah, il allume pas vite. Je pensais que t'allais y aller direct, là. Ah, j'aime ça. Faut laisser aller, là. Je veux pas de mon ton de lecteur de nouvelles. Ah, c'est quand même assez long, là. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à CJMDFM, puissance maximale, les nouvelles vidéoludiques. Mesdames et messieurs, cette semaine, l'information a de quoi faire sourire. Le président américain Barack Obama a mentionné la série de jeux The Witcher lors d'une visite en Pologne, vantant les qualités du titre développé par CD Projekt. Le président Obama a dit, et je cite... La dernière fois que j'étais ici, Donald étant le premier ministre polonais, m'a offert un cadeau, le jeu vidéo développé ici et qui a su séduire les fans à travers le monde, The Witcher. Je dois l'admettre, je ne suis pas très bon en jeu vidéo, mais on m'a clairement dit qu'il s'agissait d'un bon exemple de la place, occupée par la Pologne dans la nouvelle économie mondialisée. Voilà ce qu'a dit le président Obama face au premier ministre polonais. Andrew, les sports. Non, voilà. Non, merci. Merci. Non, j'ai pu faire mon petit trip de lecteur de nouvelles. Donc voilà, je trouvais la nouvelle très drôle. Effectivement, une copie du Witcher 1 avait été remise à Barack Obama lors d'une ancienne visite en Pologne. Et malheureusement, bien évidemment, le président Barack Obama, il n'a pas vraiment le temps de se taper The Witcher, qui est quand même un jeu assez long. Donc il en a parlé, je trouvais ça une petite nouvelle comme ça... anodine qui est passée cette semaine, j'ai trouvé ça très drôle. Monsieur Castegan, autre nouvelle! Oh non! Goat Simulator, non. Ah. Non, ben, Eric en a parlé tantôt, et je trouvais que c'était très approprié. Vas-y donc. Je vais dire la chose suivante. La PSP est morte. Vive la PSP. Ouais. En fait, c'est une nouvelle qui va en attrister certains. Moi, je te dirais que effectivement, ça m'attriste un peu parce que malgré le fait qu'elle se soit pété les dents après le géant de la console portable qui est Nintendo, ben c'était quand même une console très respectable oui. en frais de jeu et c'est quand même une console portable qui a duré 10 ans, qu'il faut rappeler, qui est sortie en décembre 2004. Et si facilement piratable. Ça, là, Eric, là, c'est des genres de choses que tu gardes pour toi. On parle pas de piratage ici, on parle de sauvegarde. On appelle ça des copies de sauvegarde. Exactement. Fait que, tout ça pour dire que, dans le fond, la nouvelle est tombée pas plus tard qu'hier. Sony a annoncé qu'ils allaient cesser la production de PSP. Et que... Oui, vas-y, Yannou. Ben, c'est ça. Que la console, elle arrêtait. Et... qu'elle aurait eu la malchance de servir de faire valoir, en fait, en concurrence avec la DS de Nintendo qui se vendait à des quantités incroyables, ouais. alors que Sony offrait une console quand même très avancée à l'époque avec un système de périphérique à disque qui offrait beaucoup plus d'espace que les cassettes de Nintendo et qui avait un système de stabilisation qui évitait les sauts puisque c'était une console portable. On va se rappeler ici des UMD qui étaient supposés être un support universel. Révolutionnaire, mais avec un coût de production très élevé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les producteurs n'ont pas embarqué dans l'exemple? Mais c'est une console qui, contrairement à plusieurs de ses rivales, a quand même réussi à s'écouler à peu près à 80 millions d'exemplaires. Fait que c'est quand même bien. Voyons ça pourtant. En effet, puis c'est normal un petit peu qu'il la retire du marché devant le succès retentissant de la PS Vita. Retentissant de même, là, ça en est dangereux. Mais, non, il faut dire que Nintendo a ils l'ont l'affaire avec le portable. Mais Sony offre des très beaux produits, là, la PSP, PS Vita, numéro 1, là. C'est juste que... C'est juste que c'est marqué Sony dessus. Ah, toi, là, on sait bien, hein? On connaît tout ton amour pour cette marque-là, Eric. Voilà. Tant qu'il n'y a pas un X vert dessus, c'est de la chenoute. Non, mais c'est même pas. Je comprends pas la manie que ce constructeur-là a de vouloir fister le monde avec des formats propriétaires à toutes les deux ans. Ben, moi, je peux te le dire, là. Tu sais, c'est n'importe quoi, sacrément. Non, tout à fait. Tout à fait. Mais bon, c'est comme ça, Eric. Faut vivre avec. Voilà, c'était la nouvelle triste de M. Castigan. Tu sais, c'est comme un fabricant qui veut que leurs joueurs se connectent à toutes les 48 heures sur Internet. Ils ont reculé, mais c'était une idée à la base. T'sais. Non, c'est ça. M. Castigan, autre nouvelle triste. Pour les gens qui attendaient Batman Arkham Knight cette année, ben, oubliez ça. Oh non! Et là, je cite jeuxvideo.com encore et je lis, parce que je trouve ça très drôle, comment ils l'ont écrit. Au rage, au désespoir, au retard ennemi. J'ai bien aimé ça. Alors que on nous parlait justement d'Arkham, de Batman Arkham Knight, sa sortie hier, cette nouvelle-là, a officialisé avec un trailer sur la Batmobile, pardon, je vais finir par le dire. Non. Et à la fin du trailer, on peut désormais lire 2015 au lieu de 14 octobre 2014. Donc, les gens qui s'attendaient à voir le dernier opus de la série, de cette série-là, à l'automne, ben oubliez ça, ça va être en 2015. Et là, pour le moment, je pense qu'il n'y a même pas de moment en 2015 qui a été précisé. Donc, si vous attendiez impatiemment ce nouveau titre, justement, pour terminer la série Arkham, entre autres avec une super Batmobile que vous allez pouvoir piloter, ben oubliez ça, ce ne sera pas avant 2015. No! Malheureusement. Monsieur Castigan, peut-être une dernière nouvelle, rapide, avant de retourner en musique? Oui! Une nouvelle qui parle du roi de l'accessoire pour ses consoles de jeux. Je parle ici de Nintendo. Ben, vous aviez des craintes, chers joueurs. Vous vous disiez, oh non, il va y avoir un nouveau Super Smash Bros. Sur la Wii U, mais il n'y a pas de port pour brancher ma manette de GameCube, la manette que j'apprécie tant, que ça fait deux générations de consoles, que je traîne et que je veux pas me débarrasser pour prendre les autres manettes pour jouer à Smash Bros. Je vous comprends, elle va très bien d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne manette. Ben, Nintendo ont fini par vous entendre et ont annoncé un nouvel accessoire que vous allez pouvoir brancher sur votre Wii U qui va vous permettre de brancher quatre manettes de GameCube pour vous permettre de jouer à Super Smash Bros. Il n'avait surtout pas pensé à ça à la sortie de la console. Ben non. Ils ont pensé à ça la semaine passée. Ils ont fait on pourrait faire un adaptateur non, pour ces manettes-là. En fait, le principe, ils se sont dit, est-ce qu'on reconduit la rétrocompatibilité de la GameCube? Et là, ils ont fait non. Fait que là, après ça, ils ont dit, ben, on va enlever les ports. Ça va faire une finition plus belle sur la console. Il n'y aura pas de petites trappes qui se lèvent, puis qu'à un moment donné, finit tout le temps par arracher. La quantité de Wii U, ou ben, pas de Wii U, je veux dire, de Wii que je vois, qui ont plus le petit clapet, là, parce qu'ils ont arraché. Ben, ils se sont dit, on va faire ça, ça va régler le problème. Et là, après ça, ils ont annoncé Smash, puis là, le monde a fait, mais comment je vais faire pour brancher ma manette de GameCube? Là, ils ont fait, ouais. Bon, ben, c'est quoi le plan déjà pour ça? Ben, on va sortir un accessoire et faire de l'argent. Cha-ching! Ouais! Ouais, mais quand tu fais pas d'argent avec ta console, faut mettre en face ailleurs. Non, mais c'est ça, je me dis, ils se sont dit, on va récupérer des profits sur la console en sortant un accessoire. Là. Et voilà. Merci beaucoup, M. Castegan. Mais là, à ce temps, ça se vend, là. Mario Kart 8 est sorti. Ben, c'est clair. Et là, en plus, il y a des bonnes critiques sur ce jeu-là. Moi, j'ai hâte de jouer. Luigi est un parfait psychopathe. Ouais, on a vu ça sur Internet. Je sais pas si Eric t'a vu ces images-là. Non, là. J'ai rien vu encore. Faudra essayer de le mettre sur la page pendant qu'on met la chanson. Et on va mettre une chanson, mesdames et messieurs, d'un groupe que j'aime beaucoup. Une petite balade tranquille comme ça. Du groupe Blind Guardian. On en fait souvent jouer à l'émission. Et là, on va entendre The Bard Song in the Forest dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Tomorrow, all will be known, and you're not alone. CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. Recreation Studio, I'm Yun. I'm Andrew. And I'm Mike. You're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Blind Guardian et son Bard Song in the Forest. Et là, on a notre ami Louis-Étienne Dégagné qui vient d'entrer en studio. Salut Louis-Étienne! Salut! Ça va bien? Oui. Et là, comme à ton habitude maintenant, à Puissance Maximale, tu viens nous voir pour nous parler jeu de plateau. En fait, on va parler cette fois-ci d'un jeu dont on a parlé un peu plus tôt dans l'émission parce qu'il y a présentement une promotion au Pub La Revanche. Si vous les appelez, vous avez jusqu'à demain midi pour profiter d'un 15% de rabais sur King of Tokyo. Ça vaut la peine parce qu'on va vous en parler tout de suite. Et je peux tout de suite vous dire que l'équipe de Puissance Maximale, oui, l'équipe permanente, je sais même pas qu'est-ce qu'il dit. Moi et Biendrou, on aime bien gros, mais bien gros King of Tokyo. On avait joué d'ailleurs avec Louis-Étienne lors de Nadeshikon. Et là, Louis-Étienne, c'est quoi King of Tokyo? À quoi ça consiste? King of Tokyo. On est dans le thème présentement en plus. Il y avait Pacific Rim, maintenant il y a Godzilla. King excellent of Tokyo. D'ailleurs. Oui. Ben là, on veut jouer Godzilla, on l'a sur le plateau. King of Tokyo, ça représente quoi? On joue des gros monstres. Yeah. Puis on se tape dessus. Le but du jeu, c'est hyper simple, c'est d'être le roi de Tokyo. Ça le dit, King of Tokyo. Bien évidemment. Fait que c'est un jeu assez simple, avec des dés. Des personnages trois dimensions. Bon, trois dimensions. Carton trois dimensions. Et on tire les dés chacun son tour, et on se tape dessus. Bon, soit qu'on se tape, soit qu'on se guérit, soit qu'on gagne des nouveaux pouvoirs. Là, si vous allez sur la page de Puissance Maximale, j'ai mis une photo trouvée sur Internet, bien évidemment, du matériel qu'on peut retrouver. C'est dans la version de base, parce qu'il y a des expansions en plus. Il y a une expansion, oui, que Andrew avait beaucoup aimé. C'est King of Tokyo Power Up. Dedans, t'as un panda géant. Ah, il est excellent, le panda. Ouais, t'avais joué deux tours et demi, je pense. Deux tours et demi, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Ben oui, mais c'est à cause que vous avez fait comme « Il est tellement menaçant, il faut qu'on le mette hors de la partie! » C'est clair. Vous avez fait un gangbang sur moi. Puis, hein. Un panda, c'est tellement menaçant. C'est clair qu'on l'attaque en premier. Ben oui, mais il y avait un bamboo stick. Une grosse cible dans le dos. C'est clair. Ce qui est le fun avec l'expansion, c'est que dans le jeu de base, les monstres en tant que tels sont là pour l'apparence. Dans l'expansion, ils ont des pouvoirs propres à eux. C'est ça qui est le fun. C'est que tu t'achètes des pouvoirs, ils sont propres aux monstres. Ça fait que tu as une différence selon le monstre que tu joues. Tu veux jouer un gros dinosaure, tu peux jouer un dinosaure. Un méca dragon, let's go! Ouais, c'est ça, parce que là, vous avez justement vous avez un genre de. Le Kraken, qui est un genre de gros crustacé géant. Vous avez un bonhomme style Godzilla, vous avez un King Kong. C'est pas exactement. Ils n'ont pas utilisé les noms originaux là, de ce genre de bestioles-là. Non, mais ben, les copyrights, hein. C'est ça. Faire attention. Mais on reconnaît très clairement ces monstres-là. Là, j'essaie de voir de plus t'as proche. T'as un Cyber Bunny, t'as un Mecha Dragon, t'as un lié alienoïde, puis les autres, bon, on les a déjà nommés. Mais t'as le choix en masse, puis t'as le panda dans la dernière extension. Puis là, avec le plateau le plus complexe. Ouais. C'est quoi le plateau, Louis-Étienne? Les gens qui vont sur la page pourront le voir, là, mais. C'est deux espaces, assez simple. Un espace qu'on joue en bas de 4 joueurs et moins, puis un espace à 5 à 6 joueurs. C'est aussi gros qu'une tablette d'iPad, je te dirais, ou de Samsung. Non, c'est que ça prend pas tant de place que ça pour jouer, premièrement. Ça se transporte facilement, ouais. Non, on parlait de combien de joueurs en tout? On peut jouer de... jusqu'à 6 joueurs. Jusqu'à 6 joueurs. Oui. Et des parties... assez rapides, hein? Ouais, c'est pas très long. C'est si vous aimez bien gros bâcher dans vos voisins puis vos amis, faire de la chicane, dormir sur le divan le soir... C'est le jeu à jouer. Bon plan, ça. Mais non, c'est ça, ça peut durer, je pense... Une quinzaine, trentaine de minutes, ça dépend si... Ça peut être plus long, mais tu sais, c'est à peu près dans ces trucs-là. Oui. Ça dépend si le roux de la place se fait pétailleul rapidement. Ben, ça dépend si tu veux te tasser ou non. Il y a une game que j'ai été quand même longtemps à jouer. Oh oui, t'as été pas mal meilleur que moi. Mais moi, je vais me rappeler du « Oh yeah, je prends le Kraken! » Ah non, c'est ça. J'avais duré un petit peu plus longtemps que le panda, mais ça n'avait pas été trop long. Je pense que ça a duré un round et demi de plus que moi. Ah ben vrai. J'avais pas été chanceux. Mais non, mais en plus, c'est ça. Là, on est vraiment dans le mode de combat de monstres. Oui, puis en plus, si on l'achète à la revanche ce soir à 15%, le livre des règles, c'est hyper simple. Oh oui, c'est pas compliqué, là. 15 minutes, puis t'es parti. C'est ça. Ça commence. T'imagines-tu comment j'ai été surpris quand ça a pris une heure à Louis-Étienne pour les lire? Non. Ben oui, c'est ça, le gars qui ne fait que jouer dans sa vie, là, qui connaît tous les jeux par cœur, me semble, ouais, une heure. Mais là, je plaisantais bien. Ben oui, on le sait. On le sait, fais-toi sympa. En fait, nous autres, on le sait, puis le monde à la radio, ouais, il est ben niaiseux, lui. Ben, je pourrais mettre des bruits secteur 51. Non, ça va. Là, et là, donc, c'est ça, on se combat entre nous. Oui. Le but, bien évidemment, de devenir le roi de Tokyo. Et là, pour ça, on peut obtenir certains pouvoirs. Quand on lance des dés, c'est pas juste pour attaquer. Vous pouvez obtenir des trucs quand vous lancez les dés. Les dés, en tant que tel, c'est des dés 6 faces. T'as des pattes dessus. Les pattes, c'est pour taper sur tes voisins ou taper sur ceux-là qui est sur Tokyo. Après ça, t'as les cœurs pour te guérir. T'as les énergies qui te permettent de les accumuler et d'acheter des nouveaux pouvoirs. C'est le même que t'achètes tes pouvoirs puis ça te différencie des autres. C'est ça qui est plaisant un peu, le petit côté pouvoir, là. Ben c'est ça, puis en plus, d'une game à l'autre, ça change. Fait que les games se ressemblent pas nécessairement. Ça amène justement le côté rejouabilité. Très grande, oui. C'est ça, puis il y a des pouvoirs quand même assez intéressants. Comme il y en a qui sont pas intéressants pour deux sous. Non, c'est ça, puis qui des fois t'en dis, oh, ouais, ça vaut aussi cher que ça pour un résultat aussi mitigé. Il y en a un qui était très intéressant, mais j'ai jamais réussi à le faire. C'est quoi le don, là-dessus? C'est d'avoir exemplaire de chaque logo, là, puis ça donnait je sais pas trop combien de points de victoire. Ouais, c'est ça. Puis il m'en manquait tout le temps un. Ouais, c'est ça, t'avais pas été chanceux, mais ça pouvait effectivement être très payant. Ça reste un jeu de dés, donc le hasard est là. Ouais, non, je sais, mais Michael peut le confirmer. Les dés et moi, on n'a pas une bonne relation. Non, effectivement. J'adore les dés, mais malheureusement, c'est une relation à sens unique. Ouais, c'est ça, parce que quand on joue à nos games de donjon, là, Andrew, il a pas avoir le perso le mieux monté au monde. Les dés font que son elfe mage qui a des connaissances dans le tapis, il devrait répondre à une question assez rapidement. Il lance un sur son dé et voilà. Ou encore l'expert en piège. Ouais, ou l'expert en piège, première game qu'on joue. Fumble critique sur son jet, il meurt. Ben, c'est pas ça. Première game, premier piège. Il faut inviter Andrew à jouer à ce jeu-là. Voilà. C'est quel fun. Puis, sans compter que je me suis sauvé d'un dragon. Premier combat du jeu. Premier combat Fumble. Du jeu. Il sauve, puis après ça, il meurt. C'était malade. Donc, puis le pire, c'est qu'on était un groupe qui se connaissait. Coudon, on l'a-tu déjà vu faire quelque chose? Non, c'est ça. Ça me que... Le figurant. Donc, c'est ça. Là. Il faut pas oublier que c'est quand même à base de chance, ce jeu-là. Il faut avoir des bons lancers. Mais bref, c'est un jeu, ma foi, des plus... Moi, j'adorais ça, sans farce. J'ai hâte d'y rejouer, d'ailleurs. Ben, présentement, à soir, il y a une compétition de King of Tokyo à la revanche. Oui. Puis on peut gagner Space Penguin, qui est un personnage promotionnel. C'est ça qui est le fun. Non, c'est ça. Vous pouvez pas retrouver ça partout. Donc, si vous êtes amateur, en tout cas, si vous voulez découvrir King of Tokyo... allez-y, là, mettez l'émission dans votre char, bien évidemment, parce qu'il faut pas manquer une seule minute de puissance maximale. Mais rendez-vous à... T'sais, c'est comme le match d'hockey, là. Mettez ça à mute, puis vous nous écoutez. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Non, c'est ça. Ou tout simplement, là, toutes les revues politiques qui parlent du budget du Québec d'aujourd'hui. Mettez ça à mute, puis vous écoutez ça. C'est à ce moment-là, vous manquerez rien. T'sais. C'est pas si grave que ça. Les taxes vont monter, puis c'est tout. Non, on est en austérité. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc voilà, dans King of Tokyo, quelque chose de rapide, de super intéressant. Puis ça va vite quand même. Là. Oh, c'est pas. Je veux dire, les tours vont vite, on se fait pas chier, à moins de mourir après deux tours et demi. Regarde, 30 minutes sur le bord d'une table, t'as une game, tu t'amuses. C'est que justement, là, des fois, les gens veulent se faire des parties à la maison, on vient de souper. Ouais, mais là, ça me tente pas de me taper un risque. Ben, c'est sûr. Surtout toi, avec ton grand amour du risque. Ah oui, moi, j'adore ça. Mais. Justement, c'est ce genre de jeu-là, King of Tokyo, que ça vous prend sous la main. Ça se détaille à environ à combien en magasin? Le King of Tokyo, me semble, ma foi, là, tu me poses une question. Hein? Ouais, il faudrait aller voir à la revanche. Mais me semble ça tournait autour de 40, 44, 45. Denis, si tu nous écoutes, c'est le moment de répondre. Ouais, c'est ça, les gens de la planque, pas de la planque, autre magasin qu'on aime beaucoup. Mais de la revanche, si vous nous entendez présentement, on voudrait avoir une idée du prix de base. Puis, enlever 15% à ça si vous appelez d'ici demain midi. Donc, c'est sûr que ça t'a surveillé. Moi, en tout cas, il y a des bonnes chances que j'aille voir les amis de la planque. Parce que moi, King of Tokyo... De la revanche. Voyons, je vais-tu finir la planque, la revanche? Ça finit par la même... En plus, on est dans le même coin. On se trompe pas. On a deux super boutiques dans ce coin-là. Ça fait que c'est facile à se tromper. Puis il y en a un qui c'est des jeux. Puis l'autre c'est des jeux. On est fait. Ah, je l'ai dit, moi. C'est juste que c'est pas le même support. Il y en a un que c'est numérique et l'autre et voilà. C'est papier. Voilà, mais bref, les gens de la revanche, appelez-nous, on veut de l'info. Puis pour les auditeurs qui sont pas sûrs, ils peuvent venir l'essayer aux journées ludiques, ça s'en vient, là. C'est dans une semaine et quelques jours. Mais la semaine prochaine, notre ami, 14-15, notre oui. ami Andrew sera présent d'ailleurs. J'ai su ça tantôt. Ouais, c'est ça, il sera envoyé en éclaireur pour puissance maximale, parce que malheureusement, je ne serai pas à Québec la fin de semaine prochaine, mais Andrew va se lancer comme ça, tel un soldat parachuté en France occupé. Je vais me sacrifier. Non, tu vas aller jouer à des jeux. Ah, non. Une petite revanche, Andrew. À King of Tokyo? Ben oui. Ah, je vais essayer de venger l'honneur du panda. Il faut. Il faut que je venge le panda. Non, c'est voilà, l'invitation est lancée. Donc, si vous, ça vous tente de l'essayer, il y a toujours le pub La Revanche, bien évidemment, mais la semaine prochaine... 14-15 juin. Voilà, les journées ludiques qui vont avoir lieu à Québec. On en a parlé à l'émission. On en reparle encore parce que c'est un rendez-vous annuel. On devrait faire ça. Ah, tu vois, j'ai Danny là, de La Revanche qui est en train de nous écrire là, sur Facebook. On va peut-être avoir réponse. Donc, c'est ça pour les journées ludiques. Ça s'en vient semaine prochaine, fin de semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Juste nous rappeler, Louis-Étienne, l'endroit. C'est au Centre Michel Labadie. C'est sur Chauveau. C'est hyper simple. On prend Henri IV, on monte, on tourne à droite sur Chauveau. C'est tout de suite à droite. Après... chocolat favori. Oui, c'est dans ce coin-là, bien évidemment. Tout à fait. Fait que si t'as pas de nouvelles de moi au courant de la journée, appelle les secours. On sait où aller chercher. Si je me suis perdu dans le bois avec les fauves. Non, c'est ça, bon, ben voilà. Puis on est ouvert de 9h jusqu'à 2h du matin samedi. Donc, je vais me coucher tard. Ah non, c'est vrai, je me couche déjà tard de toute façon le samedi. C'est ça, tu vas être même occupé. Pour ceux qui travaillent, pas de problème. Non, vous avez pas d'excuses si vous êtes amateur de jeu. Faut vous rendre aux journées ludiques. Puis en plus, il y a les plateaux d'or qui s'organisent la même fin de semaine. Tout à fait, oui. Vous allez avoir. C'est à surveiller. Si vous voulez découvrir des jeux, une belle gang. En plus, là, j'ai vu passer aujourd'hui les bières parce qu'il va y avoir de la bière. Bien sûr. Qui va être servie sur place. Puis là, je vais être là à 9h. On est tous amateurs de bière un peu en soi. Hein? On a trois bières de la Corsaire. Oh, ben là, on était là tantôt, nous autres, avant l'émission d'ailleurs. Continue, j'aime ça. Bon, on va voir la Bristol. OK. La Dark Mild. Et la Controverse. Ah oui, étais-tu bonne tantôt ta Controverse? C'est ça oui, mais attends un peu, j'entends une réaction. Et voilà. On est heureux dans le jazzler de la station. Donc, non, mais moi, un bouton écrit « Oh! » C'est clair que tu veux l'utiliser. Je me disais, ça peut n'être qu'excellent. Et voilà, donc, bière en plus. Il y a de la bouffe sur place, on peut manger. Là. On va avoir du popcorn de Pop System encore. Yeah, du popcorn, toujours bon. Et bien sûr, comme d'habitude, les chips, le chocolat, les autres les accompagnements, bref. Tout ce qui s'accompagne bien avec un jeu de société. C'est les meilleurs, il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire, Andrew? Je vais le refaire. Je pensais que ça allait être... Non. Parce que c'était continu, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y a eu. Bon. Visiblement, Andrew, ce n'était pas ça. On va arrêter. Arrête d'aller jouer dans les... Peut-être pour Andrew, c'est ça. Peut-être. On sait pas, hein. La bière, le chocolat et le popcorn, ça a peut-être cet effet-là sur Andrew. Qui sait? Mais peut-être celle-là, d'abord. Non. Là, c'est trop de chocolat. Non, c'est ça. Lâche ça, là. Okay. Lâche ça. Arrête. Je retourne dans notre page. Ouais, voilà. Donc, bière, cochonnerie, on va dire ça comme ça. Là. Bonne tout cochonnerie à manger. Et jeu, évidemment, une combinaison des plus gagnantes. Donc, juste besoin de vous rendre au Centre Michel Labadie et vous allez pouvoir en profiter toute la fin de semaine prochaine. Andrew sera sur place. D'ailleurs, c'est ça. Si les gens veulent rencontrer M. Castegan de Puissance Maximale, ce sera aussi l'occasion. Il portera bien évidemment son T-shirt à l'effigie de l'émission. Portera aussi un chapeau indicatif avec lumière. Non, c'est une chose. Non, mais voyez ça d'un point de vue. Les chances statistiques que vous retrouviez dans un festival ludique à Québec avec de la boisson et toute cette bonne bouffe, un roux qui fait de l'animation radiophonique d'une émission de jeux ludiques. Ça, ça joue sans Christophe. Je te dis d'intérêt ludique. Ben, les chances statistiques que ça arrive dans votre vie sont quand même très faibles. Non, c'est ça. Vous verrez jamais ça. Non. Et Andrew, tu vas relever des défis, c'est ça? Non, c'est ça. Le monde va pouvoir te challenger là-bas à des jeux de société. Je présume que tu vas organiser ça. On va regarder ça. Ouais, puis évidemment, au lever du coude... Tu vas tout mettre des jeux avec des dés. C'est pas tombé dans le rail d'un saut. Ah, c'est clair. Hein? Ou tu pourrais mettre Timeline aussi, il était bon là-dedans. Ouais, non, Timeline. C'est vrai. Ah, il y en a quelques-unes que j'ai sorti des bonnes réponses que vous avez faites. What the? Puis après, moi, j'ai fait, c'était de la chance. Un autre bon jeu, d'ailleurs, qu'on pourra voir parler à l'émission. Ouais. Donc, écoute, merci beaucoup, Louis-Étienne, de nous avoir parlé de King of Tokyo. D'ailleurs, c'est ça, Danny m'a confirmé ça par Facebook. On nous parle de 37,99, mais à la revanche, vous allez l'avoir à 34,99. Et si vous appelez jusqu'à demain midi, bien, vous avez un 15% sur le 34,99. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour appeler? Je me demande. Appel. Voilà, appelle Eric tout de suite. Ben, je suis pas un auditeur, je suis un chroniqueur. Ah, c'est ça. Est-ce que tu écoutes? Oui. Ah, voilà. Voilà. Voilà. T'as tout ce qu'il te faut. Donc, pour les auditeurs de Puissance Maximale, seulement appeler. vous promener sur la page de Puissance Maximale au niveau de Facebook, vous allez trouver le numéro de téléphone qui est le 418-263-5389, 418-263-5389, pour avoir le petit 15% de rabais sur King of Tokyo dont on vient de vous parler avec Louis-Étienne. En tout cas, c'est estampillé, Seal of Approval, Puissance Maximale, ça c'est sûr et certain. Là, il va falloir qu'on se fasse faire des sauts. Non, à ce temps, j'en ai parlé. On a des thèmes, on a des sauts. Il va falloir qu'on aille à Pub la Revanche et qu'on fasse, voilà, on te donne notre saut, mais ça, ce jeu-là va se vendre. Ah, mais on préfère ça pour les... Avec la cire, là, tu mets de la cire, puis t'estampilles ton saut. Ah, ça serait malade. Ouais. Ça pourrait être pas pire, ça. Ou, mais tu sais, toutes les émissions là, de cuisine, ou, tu sais, les guides restos, là, les restos, ils mettent ça dans le porte, là. Oui, genre. Le guide Michelin ou ces patentes-là. Ben là, on pourrait avoir un saut. Vous mettez ça dans votre... Un peu comme sur les boîtes. Ouais, c'est en plein ça, tu sais, comme pour les concours internationaux. Mais là, vous allez à une place, vous dites, est-ce que ce magasin de jeux vidéo-là est intéressant? Est-ce que cet endroit-là où ils vendent des jeux, c'est la bonne place? Si vous voyez le collant Puissance Maximale approuve ce magasin, ben vous rentrez. On en parlera à Pink Vivi. Ah, voilà, on va se faire un petit collant comme ça pour les jeux approuvés Puissance Maximale. On pourrait dire ça au Gang de la Revanche. Pourquoi pas avec la bière aussi? Ah ben pourquoi pas. Alors, on va aller voir le corsaire, on va aller voir le dépanneur tout près. On va coller ça partout. Le plein de monde va dire, mais c'est quoi Puissance Maximale? Le monde de Montréal, ils ne sauront pas c'est quoi. Tu vas en emmener à Montréal avec toi, tu vas aller aux choses de chabu-chabu. Ben oui, direct en porte, tu poses pas. Tu demandes même pas aux commerçants. Voilà, soyez honorés. Finalement, Puissance Maximale va tomber en onde à Énergie à Montréal, animée par des humoristes. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, on va faire des gangs, ma foi, des plus douteux. Avec bref, c'est boutons, déjà comme... avec des boutons de son douteux. Je sais bien pas, hein? Côté gag douteux puis bouton, tu t'en viens pas pire là. C'était pas un gag douteux, c'était juste un bouton que je pensais que ça allait faire C'était juste une christie d'erreur, c'est juste ça, c'est pas grave. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était King of Tokyo présenté par M. Louis-Étienne Desgagnés des Journées Ludiques. D'ailleurs, on vous répète encore une fois de vous y rendre la semaine prochaine, Centre Michel Labadie à Québec. Mesdames et messieurs, il est temps de passer en musique. Et cette fois-ci, on va entendre nos amis de Irish Moutarde avec la chanson D.O.E. C'est tout. Ah oui. C'est envoyé dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Already drank a bunch of pints. Oh, what a hell, I'm muttered down. He's waiting for me to buy him a drink. Still got some money, but should I go through? Well, it looks like we are in sync. There might be chemistry, so what could I do? Should I leave or should I stay? And if I dance on tomorrow, temptation on a lonely mind, aren't you there? We'll Maximal. Et oui, de retour à Puissance Maximale après nos amis de Irish Moutarde. Tu parles maintenant d'indicatif. Puis là, j'ai pas entendu la fin du gars, j'étais trop pressé. Et là, vous entendez Irish Moutarde avec la chanson D-O-E, vous avez D-O-I, j'imagine, parce qu'il chante en anglais. Voilà, c'est lancé. Et là, on vient de vous poster sur la page de Puissance Maximale une petite photo, le prix en studio du jeu King of Tokyo. D'ailleurs, t'avais quelque chose à me dire par rapport à King of Tokyo, Eric, pour le prix? Ouais, exact. Quand je regarde partout un peu au Canada, il est à 40$. C'est que nos amis de la revanche nous le vendent. Le font à bien meilleur marché quand même. Là. Plus le 15% d'asseoir jusqu'à demain. Là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vaut la peine de profiter de cette promotion-là en les appelant. Voilà, c'est dit. Monsieur Castegan, nouvelle ludique. Oui, bien là, premièrement, est-ce que tu as vu le Luigi qu'on parlait tantôt? Je t'ai partagé le lien. Ben c'est ça. Je m'en vais mettre ça direct sur la page de l'émission, en fait. C'est excellent. Pour que les gens puissent voir à quel point Luigi est mean dans le nouveau Mario Kart. Non, mais l'article, c'est quand même « Luigi is a cold blood racer in Mario Kart 8 ». Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelque chose. Mais sinon, nouvelle qui m'a fait bien rire et un peu pleurer en même temps. Et pour ça, je m'excuse, mais je mettrai pas ça de piano. By the way, il faut que je mette autre chose. Ça sera pas trop long. Vas-y, vas-y. Le fichier musical n'existe plus. Fait que... Merde. C'est à cause que je voulais mettre la toune de violon de Manu pour faire changement dans le dramatique. Mais bref, on va parler d'une franchise que j'apprécie beaucoup. On a parlé tantôt. Et j'ai vu une nouvelle que j'ai faite. Bon, j'avais déjà pas beaucoup d'espoir, mais là, c'est pire. On va parler de Sonic, encore une fois. Encore une fois. Il y a un jeu de Sonic qui est supposé de s'en venir qui s'appelle Sonic Boom. OK. Et j'avais... Dans le fond, c'est un jeu qui est un peu le prequel d'une série télé qui s'en vient à... Je pense c'est Fox. Okay. Je crois. Mais bref... Je savais même pas qu'il refaisait une série TV avec Sonic. Qui s'appelle Sonic Boom, okay. Aussi. Puis le jeu... pas le jeu, mais le character design des personnages avait comme fait... T'étais pas sûr? Non, j'étais pas ben sûr. Mais je vais t'envoyer d'ailleurs... l'image en question. Eric aussi, tu vas pouvoir voir ça. En fait, c'est juste parce que Sonic, ils ont mis une espèce de gant avec des bandeaux, un petit foulard. Puis, j'aime bien le design de Tails, par exemple, je dois avouer, mais Knuckles, c'est n'importe quoi. Ah, je vais aller voir ça. Dirais-tu du character design, Eric? Ou tu ris de autre chose? Non, je ris de ça. Mais hipster. Ah ouais. Hein, hipster. Tails, il manque une barbe et une espèce de truc qui pend en arrière. Non, mais c'est ça, mais t'sais, Tails, il est cool, je trouve. T'sais, le petit design avec les goggles, je trouve que ça y rajoute son petit look plus engineer qu'il avait commencé mais à avoir. Knuckles, ça marche mais pas. Mais Knuckles, ça marche pas. Et Amy a de l'air d'une traînée, là, je m'excuse. Là, mais t'sais, elle a une face semi-cochonne avec une maillotche dans les mains. Mais bref. Autant qu'un hérisson cartoon violet peut avoir l'air cochonne. Là. C'est ça. Mais le point là, que j'ai fait, vous êtes pas sérieux. Il y a eu un sondage fait par ces gars à un moment donné qui ont demandé, c'est quoi à votre avis le plus gros problème de la franchise de Sonic? Et la majeure partie des fans ont dit, c'est Sonic. On joue à Sonic parce qu'on veut jouer avec Sonic. Et que dans la franchise de Sonic, il y a trop de personnages, il y a trop de bonhommes. Sonic Tails, ça va, mais t'es, rajoutez pas des autres scènes de jeu avec Eggman, tout ça. Eggman, c'est un méchant, Shadow, c'est le même bonhomme que Sonic, puis toutes ces affaires-là. Fait que ces gars avaient dit, on a compris, on va retourner aux sources. Donc, ils avaient fait Sonic Generation, qui, à mon avis, était un excellent Sonic. C'était celui avec les deux genres de tableaux. Ça, j'avais beaucoup aimé ça. J'ai trouvé que c'était écœurant comme jeu. Et là, après ça, ils ont fait Sonic Lost World, qui est moyen, là, parce qu'il y a un genre de Sonic Galaxy, mais c'est à cause que le plan de vue fit pas vraiment avec la haute vitesse, fait que ça finit qu'on a mal au cœur. Moi, dans mon cas, j'ai joué, là, puis j'ai fait comme oh, j'ai mal au cœur. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Sonic Boom, ils ont dit là, on va retourner aux sources, on va aller avec un studio qui s'appelle Big Red Buttons, et là, ils vont remettre ça d'aplomb. Et c'est quoi la première annonce qu'ils font sur le jeu? Un nouveau bonhomme, mesdames et messieurs! Un nouveau personnage qui se nomme Styx, et c'est un blaireau qui se bat avec un boomerang! Ça, on se rappelle que, de base, Sonic, c'est... On court vite, on ramasse des shit, puis après ça, on se bat contre Eggman. Je pense, selon moi, ça résume assez bien les Sonic classiques. Pourquoi rajouter des bonhommes? On dit qu'on va revenir aux sources. Tu sais, génération, on était dedans, là. On avait quelque chose de bon. Mais non. C'est un blaireau. C'est beau boomerang. Un blaireau fille. Fille. Ah, c'est important. C'est important. Ah ouais, c'est tellement. Et surtout qu'il y a un petit vidéo, là, où il montre la voice actress, là, la fille, là, qui fait la voix. Ah ouais. Mes oreilles ont saigné. Par l'aigu? Ben, elle a une voix de genre « Yeah! Hey, ma lune! Ah! Ah! » T'es comme avec une voix semi. Ouais. C'est non, mais c'était beau, ça. C'était beau. T'sais, si je serais capable de le faire jouer, le vidéo, je le ferais, là. Puis je vous aurais dit de baisser le volume de votre radio, là. T'sais, c'est... Oh, mon Dieu. C'est plaisant. Ça. Alors, hey, qu'est-ce que t'attends pour aller doubler des films, toi? S'il y a des actrices olympiennes qui le font, pourquoi pas toi? Ben ouais. En tout cas, Eric a l'air de trouver ça très drôle, là. Voilà. Donc, Andrew est pas content, visiblement. Non. Voilà. Ben déjà qu'au départ, j'ai regardé les vidéos, puis je me disais, ouf, j'ai comme l'impression qu'on l'échappe encore avec cette franchise-là, là. Et voilà, ma réponse vient de tomber du ciel. Un nouveau personnage avec une voix actrice qui a une voix qui ressemble à moi en rut selon la jeunesse. Là. Donc il faut dire que les imitateurs sont très moyens en général. Non, là, non, mais... ils sont pas moyens, ils sont inexistants. C'est pas la même affaire. T'es pas fin. Faut que tu sois conscient de cette histoire-là. Voilà, merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de Sonic. Et là, mesdames et messieurs, on va revenir à Mario Kart, parce que Mario Kart, d'ailleurs, je vous ai mis sur la page de l'émission Facebook, bien évidemment, le vidéo dont parlait Andrew avec Luigi, qui est, ma foi, menaçant. On va dire ça comme ça, avec son regard de tueur en série, pendant qu'il conduit son petit kart. Donc voilà, c'est dit. Allez, et c'est vraiment une compilation, là. Sur la page, là, le lien, là. Il y a les autres plus bas, là. On voit Yoshi aussi à un moment donné, qui a de la total retard, là. Ouais, mais là, c'est Yoshi quand même. Ah, voilà. Monsieur Castegan, justement, Mario Kart, on dit qu'il bat des records sur la Wii U. Donc, Nintendo était bien embêté par les mauvais résultats de la Wii U. Il annonçait des pertes records pour la marque. Mais là, on a Mario Kart 8 et Super Smash Bros. Wii U qui s'en viennent pour sauver Nintendo. Voilà que pendant que, pardon, Super Smash Bros. Wii U se fait attendre, le premier, donc Mario Kart 8, fait exploser des records. Donc ça se vend bien. Sorti au Japon le 29 mai dernier, le lendemain partout dans le reste du monde, le titre s'est vite emparé de la première place des ventes de la console sur la période et même le jeu Wii U ayant connu le meilleur démarrage avec 1,2 million d'exemplaires vendus en quelques jours. Faut dire que, bon, ce genre de record-là, avec la Wii U, c'est sûr que de base, il y a moins de jeux qui se vendent dessus, il y a moins de consoles qui sont vendues. Non, mais tu sais, c'est une bonne opportunité, en plus, avec le bundle ou Mario Kart 8, si vous voulez avoir des jeux en usager, là. Non, c'est... Ouais, parce qu'Andrew... Salutations à les pets de service. En fait, Andrew, raconte donc ça. Ça, je trouve ça... Tu sais, quand je vous dis que le consommateur, là, faut qu'il fasse attention, mais ça, on a une preuve d'un gars que soit qu'il y a trop d'argent dans la vie. Moi, je le remercie, là, personnellement. Non, toi, t'as été chanceux grâce à ça. Mais à cause de certaines personnes, il y a des gens qui en profitent, mais c'est vraiment... Mais c'est vraiment crétin. Je vois la face de Louis-Étienne qui est comme « OK, c'est quoi qu'il veut raconter? » Vas-y donc, raconte-nous ça. Ben, je m'étais dit cette semaine, « Crème, Mario Kart 8, ça pourrait être intéressant, mais tu sais, je vais arrêter dans ma boutique de jeux vidéo habituelle. » Je me suis dit, je vais aller regarder, voir au cas où qu'il y a des perles rares et valider que Mario Kart 8 était bel et bien à 69,99. Parce que ça, c'est vraiment le point que je faisais comme ah. « Et là, je rentre, puis je dis, il est à combien ton Mario Kart? Et le vendeur me dit, de façon totalement charmante, ben, j'en ai un à l'usager. Là, j'ai fait, hein? Sorti, on se rappelle, le 30 mai c'est dernier. Ça. Là, j'ai fait, t'en as un à l'usager. Il dit, ouais, ben, c'est un dude qui a acheté une Wii U, le bundle avec Mario Kart 8. Et il m'a demandé si le jeu était dans une boîte. Là, j'ai répondu, non, c'était dans une enveloppe. À l'intérieur de la boîte de la console. À l'intérieur de la boîte de la console. Fait que le gars, il a acheté la Wii U. Il a ouvert la boîte de sa Wii U, il a sorti le jeu, il est allé chercher un jeu emballé dans sa boîte, tout dans la tablette. Il a dit, je te vends mon Mario Kart 8, puis je vais racheter Mario Kart 8 avec la boîte. Là, le vendeur a fait, OK, c'est à cause de ses conscients, je vais te donner moins parce que j'ai pas la boîte. Il dit, c'est pas grave, moi, je veux absolument avoir la boîte. Fait que, morale de l'histoire, c'est que le jeu, au lieu de coûter 69,99 avant taxe, il m'a coûté 53 $ et des poussières après taxe. Fait que moi, je vais dire la chose suivante à monsieur en question. Continue à faire des niaiseries de même, on économise. Et voilà. Toi, tu trouves ça drôle. Ben, moi, j'ai économisé. Non, c'est complètement ridicule. Je veux dire, oui, t'as le droit d'être collectionneur et tout. Dans ce temps-là, achète la Wii U tout nu. Achète-toi le jeu à côté, puis... Ben, c'est ça. Tu vas voir payer plus cher que le bundle au final, mais au moins, tu vas voir le jeu comme tu le veux. Non, c'est ça. Tu vas pas faire... Ben, tu sais, ça a dû coûter plus cher, là, ce qu'ils viennent faire là. Oui, c'est sûr. Ça y a coûté plus cher. C'est officiel que ça y a coûté plus cher que s'il avait acheté le jeu à part avec la Wii U tout seul. Mm-hmm. Non, mais il n'y aurait pas eu le volant en plastique. Ah, c'est ça. Ben, le volant en plastique, qu'est-ce que tu... Quel article essentiel. Tu mets la Wiimote dedans, puis là, tu comptes. Ouais, mais il n'y en avait pas un Mario Kart. Ben non. Le Mario Kart sur Wii. Oui, mais si t'as pas Mario Kart, c'est à Wii. Ouais, mais le volant de plastique de la Wii, il fait pas sur la Wii U. Oui, il fait. Ah. Donc, il répond, tu sais. Louis, tu l'as testé? Mais il est pas rouge. Ah, il est pas rouge, toi. Hey, hein, méchant débat. Ouais. Tu plates un peu. Ah, mais mesdames et messieurs, vous avez pu entendre un exemple, ma foi, de crétinisme de consommation assez aigu, on va dire ça comme ça. On va, comme j'aime dire, du crétinisme consommé. Voilà, c'est dit. Mais grâce à ça, M. Castagnan a réussi à économiser. Et on va pouvoir tester le jeu, en fait, et vous en reparler peut-être la semaine prochaine. On va voir si on a le temps. Ah, ben, si j'arrive pas chez nous trop tard, j'y joue drette ce soir. Bon, ben. Avec une délicieuse bière à la framboise, comme nous avons dégusté lors de la dernière émission. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, moi, j'amenais ça à des amis aussi, à un souper la semaine passée, puis ça a été l'unanimité. Ils ont beaucoup aimé cette bière-là, on vous rappelle, brasserie Danam, saison framboise. Profitez-en. C'est un produit saisonnier, vous pourrez pas voir ça à l'année. Exact. Et tirage limité. Et voilà, donc profitez-en, mesdames et messieurs. Je viens juste à saluer une personne. Oui! Maxime Girard. On prend les demandes spéciales, non? Vas-y. Maxime Girard, que je viens de voir, qui est en train de faire du bacon à grillade sur son barbecue. Fait que, du bacon à grillade! Tu sais, c'est quoi? Oui. C'est du bacon ultra épais. Ah, oui. Et je vais te dire la chose suivante, ça a de l'air vachement bon, surtout qu'il fait ça sur son barbecue. Et il a pas du tout parlé, mais je suis sûr qu'il écoute l'émission en même temps qu'il fait sa grillade. Là, Max, next time, invite-nous, on va y aller, on va amener le chocolat. Bring on the barbecue. Ah non, tout à fait, bon, on fera s'organiser de quoi pour manger du bacon barbecue dans pas long. Ça va tellement être santé, voilà. Et aussi Marc-André Talbot qui me parle aussi sur Facebook et me demande où est-ce qu'on peut trouver la bière. La bière, on la trouve au dépanneur tout près, sur la rue Wolfe. Et c'est la framboisière de la microbrasserie Donan. Non, c'est la saison framboise. La saison framboise. C'est ça. Voilà. C'est à cause que j'ai pas la bouteille en avant de moi. Si malheureusement, vous n'êtes pas à Lévis, normalement, quand vous avez un bon magasin commerce qui vend de la bière de micro, vous devriez être bon pour la trouver sans problème. C'est une grosse bouteille, je me rappelle pas C'est une 750. Voilà, 750 millilitres disponibles pour vous, mesdames et messieurs. Donc voilà. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Ça va tellement vite. Je tiens, parce que là, c'est moi qui parle. Je tiens à remercier M. Diego Lamana pour sa chronique au début de l'émission. Sur la page Facebook, vous allez trouver le lien qui vous dirige vers la maison d'édition dont il a parlé. Des très, très, très beaux ouvrages disponibles pour vous. Allez regarder ça, ça vaut vraiment la peine. Je veux remercier M. Éric Lajeunesse qui est passé comme ça à brûle pour point. Toujours un plaisir. Merci Éric d'être passé. M. Louis-Étienne Desgagnés qui est venu nous parler de jeux. Merci beaucoup Louis-Étienne. Ça fait un plaisir. Et M. Andrew Castagan à la console. Merci d'avoir été là, Andrew. Ça me fait toujours plaisir. Rappel rapide, mesdames et messieurs. On vous rappelle qu'il y a une promo jusqu'à demain midi au Pub La Revanche. Allez sur la page Facebook de Puissance Maximale. Appuyez sur le bouton j'aime et allez voir le post avec l'image de King of Tokyo pour avoir le numéro. Appelez-les pour avoir un 15% de rabais sur le jeu jusqu'à demain midi. Faites-le, ça vaut vraiment la peine. Vous allez vraiment sauver beaucoup sur ce jeu-là qui est un excellent jeu. Qui est le gagnant du concours de Pink Vivi? Monsieur Castagan, j'y arrivais justement. Et le gagnant de cette semaine, en fait du concours de la semaine dernière, est Monsieur Alex Perron-Isabelle. Félicitations Alex, tu as gagné un beau kit de signets, de stickers et de magnets de Mario Bros. Et vous n'avez pas reçu les vôtres, vous gagnants des semaines passées, ça s'en vient. Ils seront dans la poste pas plus tard que demain. Et voilà, ça s'en vient, mesdames et messieurs. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Rendez-vous bien évidemment sur la page Facebook parce que le nouveau concours de la semaine est déjà en ligne. Partagez la photo pour pouvoir y participer. Évidemment, allez pour le Pub La Revanche pour la promo. On vous rappelle en même temps, comme à chaque semaine,